C'est rien du tout. La liberté, c'est de la merde. La liberté, c'est un concept. La liberté, c'est un concept. Pourquoi? Parce qu'on dépend tout, on dépend tous des autres. Chaque action que nous faisons va déduire une autre action à quelqu'un d'autre. Chaque action que quelqu'un fait va mener quelque chose sur notre vie demain. C'est pour ça qu'on travaille. On travaille pour construire un monde. Moi, je suis boulanger, ça donne du pain à quelqu'un. L'autre, il est fermier, il va donner des carottes à quelqu'un d'autre. Donc la liberté, c'est quoi? Moi, j'ai ouvert des squats déjà dans ma vie. Et dans les squats, j'ouvre les portes et je dis, hey, les gens, c'est à vous. C'est ouvert 24h sur 24. Et bien les gens, ils disent, ah, on est libre. Donc ils se droguent, ils shootent, ils font du bruit, ils cassent tout, ils font des tags partout. Parce que pour eux, c'est ça la liberté. Donc ici, la place de la République, ça fait 3 semaines qu'on est là. Et 3 semaines que les gens, ils sont en train de se réfléchir, c'est quoi la liberté? Donc j'ai l'impression qu'il n'y a personne encore aujourd'hui qui sait parler. Parce que vous venez tous écouter des conférences où il y a des gens comme moi, comme d'autres qui parlent. Et donc on vient prendre le micro et on raconte nos vies. Mais est-ce que vous, quand vous venez ici, vous vous parlez et vous dites pourquoi on est là? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous vous êtes demandé si vous êtes là pour la même chose? Donc il y a des gens qui... Et ça veut dire quoi quand on fait ça? Hé, viens voir. Non, 2 secondes. Non, excuse-moi, je ne suis pas passé 50 fois pour parler de la casse et tout quoi que ce soit. Hé, viens voir s'il te plaît. Le mec fait des roucoulades, viens ici. Non. Non, on va avancer, t'inquiète. On va savoir à quoi ça sert la nuit debout. Les gens qui font les roucoulades, venez ici. Je sais. Il y a un temps de parole. Depuis le temps que l'on s'installe sur cette place noire, j'entends du bruit au fond du couloir. Ils ont refermé le verrou. Et j'ai plongé dans le micro. J'ai eu peur qu'on me fasse masse. Ah, on n'est pas prêt, j'ai l'impression. Radio debout. Vous êtes bien sur Radio debout et nous sommes sur la place de la République le 61 mars 2016, hein, on peut le dire. Hein. Et on va vous laisser réécouter un petit peu l'AG. En espérant. Où il se passe plein de choses intéressantes, vous allez voir. Et on revient vers vous tout de suite. Des statisticiens, des sociologues, j'ai appris beaucoup de choses et des choses importantes pour le mouvement de Nuit debout. Qui fait qu'ils sont quand même extrêmement sensibles. Alors j'ai 2 choses à dire, parce qu'effectivement la commission numérique n'est pas souvent représentée, mais ils font un boulot énorme. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font sur le wiki, donc pour avoir des informations sur tous les outils qui sont mis en place pour aider à la construction du dialogue et pour aider à l'avancée des propositions. Vous allez sur le wiki Nuit Debout, sur Convergence des luttes, vous aurez toutes les informations. Moi, la chose que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens ici ont des téléphones portables, voire tout le monde. Une des recommandations de la commission numérique, c'est qu'il faut que vous acceptiez de protéger systématiquement la confidentialité de vos échanges et donc il faut que vous appreniez de façon éthique à être crypté. C'est extrêmement important. Donc il faut que vous échangiez en mettant vos téléphones sur Signal, ce qui vous permet de garantir la confidentialité de vos échanges. C'est fondamental. Pour tout un tas de choses, on a eu le pape du logiciel libre qui est venu faire une conférence. Pour télécharger Signal, il faut le faire. Vous allez sur Internet, vous tapez Signal et vous aurez toutes les informations pour avoir des communications cryptées. Voilà, à bientôt. Excusez-moi, là, il y a une dame qui vient par parler. En fait, moi, ce que je reviens sur mes propos. Je ne parle pas des commissions. Moi, je fais partie des commissions, donc je sais qu'on est là tous les jours. Moi, mon problème, ce n'est pas les commissions, c'est de savoir pourquoi vous venez tous les jours. Est-ce que vous venez nous écouter parler, donc écouter des commissions? Est-ce que vous venez pour dire, bordel, il faut qu'on fasse quelque chose dans son pays? Bordel, il faut qu'on construise quelque chose dans ce pays. Est-ce que je viens ici pour m'asseoir, écouter les choses qu'on raconte depuis 3 semaines tous les soirs à la commission? Ou est-ce que vous dites, bordel, il faut qu'on déclenche quelque chose dans ce pays? Bordel, il faut qu'on déclenche quelque chose ensemble. Donc c'était là, voilà. Donc excusez-moi, peut-être ça dérange des gens, Francis Cabrel, mais moi c'est mon meilleur pote, je lis pas la Bible, je lis pas les gens qui sont des gouvernants, je sais pas quoi, machin. Moi j'ai Francis Cabrel, ça me suffit. Et donc je vous partage des mots de Francis Cabrel. Merci à vous tous. Sylvie. Bonjour, en fait, je voudrais improviser un petit retour de ce qui se passe à la commission des femmes, les femmes qui se rencontrent et qui parlent et qui mettent des choses en place tous les jours. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des agressions qui ont eu lieu sur la place de la République. à Nuit Debout, ou plutôt En Marche de Nuit Debout, j'ai envie de dire. Donc il y a eu des viols, hein, viols de femmes, viols de personnes trans, etc. par des gens fortement alcoolisés, il paraît, mais pas seulement. J'en ai vu déjà tout à l'heure qui s'entraînaient à boire de la bière et à siffler toutes les nanas, mais toutes les jeunes nanas qui passaient. Donc nous, on essaye de mettre en place une riposte. Donc il y a de l'information qui circule, qui va petit à petit être affichée, qui s'adresse à tout le monde, à la fois aux prédateurs, que sont les violeurs potentiels, à la fois aux victimes potentielles et à la fois aux témoins. Et voilà, ce qu'on essaye de rappeler, c'est que dans les rapports de domination qui nous minent, tous les uns et les unes, il y a aussi le rapport de domination entre hommes et femmes, qui sont deux sociétés, qui ne sont pas forcément le fait d'individus. Tout le monde n'est pas macho, misogyne, patriarcal et compagnie, mais bon, c'est quand même ancré dans notre culture, de même que la culture du viol. Et à tout un chacun d'être... on demande à chacun, en fait, d'être présent, d'être attentif, surtout quand la nuit commence à tomber. Et s'il y a des nanas qui peuvent se mettre en danger sans forcément s'en rendre compte parce qu'elles n'ont pas nécessairement l'expérience, s'il y a une tentative d'agression ou ne serait-ce que du harcèlement, à chacun, s'il vous plaît, d'être présent, d'être attentif, de ne pas baisser les yeux, ne pas tourner le dos et ne pas fuir, mais au contraire, s'approcher, montrer qu'on est là et qu'on est capable de réagir les uns avec les autres pour éviter le pire. Parce que bien évidemment, pour la personne qui en est victime, le viol, c'est une véritable torture. Donc voilà, à chacun de le faire. Il y a des idées qui ont été mises, qui ont été soumises, comme un cahier qui serait au point accueil ou au point sérénité, qui permettrait de éventuellement signaler des personnes qui commettraient ces crimes ou ces forfaits. On ne peut pas toujours faire le signalement, mais tant que faire se peut, au moins rassembler des informations, ce serait pas mal. Surtout ne pas tourner le dos. Il y a une autre idée qui est de siffler. Alors il y a des sifflets, mais il y a des gens qui savent siffler avec leurs doigts ou sans leurs doigts d'ailleurs, pour alerter autour de soi. Donc faire savoir que quand vous entendez un sifflet, c'est qu'il y a un appel au secours à côté de vous et que c'est important de rester présent. Voilà. Et pas mal de choses qui se mettent en place. Toutes les idées sont bienvenues. Tous les soirs, il y a une réunion non mixte, mais il y a aussi une réunion mixte qui est vers là-bas, un peu derrière la cantine. Donc tout le monde est bienvenu pour échanger, pour proposer des idées, mais aussi surtout pour agir. Parce que parler, c'est bien, mais on n'est pas là pour faire des groupes de parole. On est là pour mettre en place de la prise de conscience et des modes d'action. Et que petit à petit, cette culture du viol, elle recule. Et arrêter de créer des victimes, la violence engendre la violence, et il y a un moment, il faut que ça s'arrête, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes toujours sur Radio Debout, vous venez d'écouter l'AG, enfin d'entendre l'AG, sur justement les agressions sexuelles qui auraient eu lieu sur la place. Alors sachez qu'à Radio Debout, on essaye de recouper les informations et d'en savoir plus, c'est pour ça qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, on donne la parole à tous, et voilà. Et vous écoutez donc toujours Radio Debout, et on était là aussi cet après-midi, en début d'après-midi, lorsque la logistique s'est installée sur la place. La logistique, il y a eu un petit peu de mal à s'installer ces derniers jours, étant donné que la police empêchait les camions d'accéder à la place. Donc on était là, ils avaient fait tourner un appel pour qu'il y ait le plus de monde possible et éviter que les camions qui transportent toutes les fournitures soient bloqués et soient empêchés de rentrer sur la place. Donc on va écouter un petit peu un reportage qu'on a tourné cet après-midi, et on revient ensuite tout de suite à l'AG. Radio Debout. Là pour l'instant on attend déjà qu'il y ait plus de monde sur la place pour pouvoir aller récupérer le camion et tout le matériel. Donc on espère qu'on sera nombreux pour pouvoir l'escorter et éviter ce qui s'est passé hier. Là je vois notre copain Michael qui a le doigt bien amoché. Donc voilà, en nombre on pourra éviter toutes ces batailles. On a les autorisations. Tous les jours, c'est la même histoire depuis un mois. Donc à chaque fois, on arrive avec notre camion, et on refuse l'installation. À chaque fois, on y arrive. Donc ouais, on a du mal à comprendre le double discours de la préfecture et de la police. Il refuse et qu'il ne laisse pas le camion rentrer ? Il ne laisse pas le camion, alors il ne laisse pas le camion rentrer, puis une fois le camion rentré sur la place ou à proximité de la place, il nous empêche encore de sortir le matériel. Donc c'est le jeu du chat et de la souris tous les jours. Mais là, ça, quand même, hier, ça a pris une ampleur encore différente par rapport aux autres jours, dans la mesure où il y a quand même un premier blessé de la logistique et de la cantine. Donc là, en nombre, on va essayer de créer la dissuasion. Donc là, le nombre fera notre force, on sera plus nombreux qu'eux. Et quand ils vont arriver en nombre, je pense qu'ils vont se mettre de côté et nous laisserons passer tranquillement. Salut, c'est Radio Debout. Est-ce qu'on peut te poser quelques questions sur ce qui s'est passé hier? Est-ce que tu peux nous raconter? T'as un bandage à la main? Ça c'était avant-hier, ils nous ont empêché de décharger le camion et il y a un policier, il m'a claqué la porte du camion sur les doigts. Donc j'ai une fracture au niveau des deux premières phalanges. Et là hier soir on a voulu pareil ramener le camion, le décharger. Et quand les policiers ils m'ont vu arriver, ils ont tout de suite chargé le camion. Et ils ont commencé à me frapper, gazer à l'intérieur de la cabine, ils m'ont jeté dehors, j'ai reçu des coups de pied, j'ai des plaies au niveau des jambes, au niveau de la main. Donc ça a duré pendant une heure, j'ai été menotté. Et comment ils justifient une telle violence ? Ils justifient pas. Surtout qu'on a les autorisations pour faire tout ça, donc c'est vraiment illogique leur comportement. Alors moi je fais pas partie de la commission logistique, je faisais partie de la cantine et maintenant de la sérénité. Toi tu vas te retourner, enfin tu vas essayer de trouver un... Ouais. Oui, moi je me suis déjà renseigné, j'ai lancé les démarches, j'ai fait constater mes blessures par un médecin. Et apparemment l'IGPN va être saisi très rapidement pour cette affaire. Tu travailles normalement tous les jours ou tu... Oui, normalement je travaille. Donc là je suis arrêté pour 15 jours. T'as un arrêt de travail ? Ouais, 15 jours. Bah, bon courage pour la suite. Rester dans le coin, je pense que ça va rebouger dans pas longtemps. Ouais. On est là. C'est quoi la stratégie aujourd'hui ? La même qu'hier. On y va, on accompagne les camions et on verra bien comment ça se passe. Là il y a... 3 camions, plus celui de la Sono, ouais, on est sur 4 véhicules là, maintenant. Le camion jaune arrive. Oui, c'est ça, le camion jaune arrive, et le blanc devrait être pas loin, donc on va voir ce qui va se passer. Enfin, tout ce qu'il y a dans les camions, ça sert à faire à la nuit debout, ça c'est sûr. À côté de nous, on a le gros port qui nous a gazé à Odéon, et qui a gazé ses collègues en même temps, donc il est juste à portée de main. C'est un gros imbécile qui gaze de son propre chef et qui arrive à gazer ses collègues, c'est bien. Donc là, il y a le camion jaune qui est en train d'arriver. Le camion qui arrive et c'est passé. Bon, mais les camions sont passés sans encombre, on espère que ça va continuer. Ce qui est important, c'est que ça s'est fait dans le calme, pacifique. Il n'y a pas eu de problème, intelligent. Voilà. Ça s'est bien passé le voyage ? Ça fait que commencer. On peut décharger ? On peut décharger, mais doucement, ne vous blessez doucement, pas. Doucement, tranquille. Voilà, ouais, qu'on met les ça trucs. Marche. Donc, pas tout le monde pour décharger, allez-y tranquille, attendez les trucs. Et la logistique, elle est à qui ? Elle est à nous ! Et la logistique, elle est à qui ? Donc des bâches, des cordes, un générateur, quelques palettes. Tout pour installer le stand de logistique de la nuit debout et donc faire un soir de plus, une nouvelle fois, la nuit debout sur la place de la République. Si quelqu'un monte la tente, moi je suis opé pour bouger ailleurs. Radio Debout, si tu ne sais pas pourquoi tu l'écoutes, on sait pourquoi on l'a fait. Et oui, c'est pour ça qu'on l'a fait. Exactement. Alors maintenant, même si on ne sait pas, on sait. On va retrouver un peu d'âgé et après, nous sommes en compagnie de Jacques Rebautier. Commission éducation. Bonsoir. Donc on a été mandaté par la commission éducation pour faire un petit point sur ce qui se fait. On a eu du mal à communiquer, on est un peu discret, mais on a fait des choses quand même dont on va vous parler. Alors assez rapidement, donc il y a des commissions qui ont lieu depuis un mois en fait, et assez rapidement a été voté le fait de travailler en groupe. en groupe de travail autonome. Chaque groupe a un objectif précis et travaille de manière relativement autonome. Deux fois par semaine, tous les groupes de la commission éducation se réunissent sur la place pour présenter le travail de chaque groupe, communiquer des initiatives à soumettre à toute la commission éducation ou à Nuit Debout directement, évoquer des problèmes, demander de l'aide, proposer un vote sur les décisions importantes. Les réunions se déroulent ensuite autour de thèmes libres votés par les personnes présentes à la réunion. On en sort là, il y en avait une là, tout à l'heure. Il existe pour l'instant donc plusieurs groupes. Le groupe Le Monde des Pédagogies, ils organisent des rencontres sur la place de la République avec des pédagogues pour nous faire connaître d'autres pédagogies, d'autres techniques éducatives, pour réfléchir à partir de ce qui existe déjà. Aujourd'hui à 15h a eu lieu la première, c'était sur la pédagogie Freinet. Mercredi à 19h, il y aura un atelier sur la pédagogie institutionnelle. Je ne sais pas si ça parle beaucoup ou pas. Et samedi à 16h, le GFEN, le groupe français d'éducation nouvelle, va animer aussi un atelier. Et ensuite, des ateliers sur les établissements qui mettent en place déjà des pédagogies alternatives vont venir en parler. Le groupe Action, qui est en train de mettre en place une proposition d'action pour les semaines à venir et notamment le 10 mai. C'est en cours de finissage, donc ce sera diffusé très très prochainement. Le groupe de travail Manifeste, c'est pareil, il y a un manifeste là qui est en cours de finition qui va être aussi diffusé dans la semaine. Donc il y a tout un manifeste sur l'éducation qui a été rédigé, qu'on vous fera parvenir. Le groupe de travail Livre Blanc, donc à partir un petit peu des points qui ont été posés dans le manifeste et des discussions qu'on a depuis un mois, le projet est d'écrire un livre blanc de l'éducation voilà, qui proposerait tout un système éducatif alternatif nouveau. Un groupe témoignage pour recueillir des récits vidéo ou écrits sur l'apprentissage et l'expérience scolaire. Ça, c'est pareil, c'est en cours. Ce serait sous forme ou de texte ou de vidéo. Vous pouvez envoyer vos témoignages à témoignages@nuiteduc@gmail.com. Si vous voulez l'adresse un peu plus calmement, vous pouvez venir me voir là juste derrière. Sans accent. Un groupe coordination. Qui coordonne à la fois les groupes, la commission éducation et le rapport à l'AG populaire. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre donc sur nuitdebouteduc@laposte.net. Il y a aussi une page sur Facebook. Voilà, donc vous avez toutes les infos. Et puis la prochaine commission éducation, c'est mercredi à 17h. Si vous voulez des infos, je reste là un quart d'heure et puis vous pouvez venir me poser des questions. Nous voici de retour Place de la République, toujours en direct sur Radio Debout. Sur ma gauche, Jacques Rebautier. Jacques Rebautier, bonjour. Bonjour. Avant que vous ne lisiez des textes, je vais vous lire un truc ou deux que vous allez sûrement reconnaître, d'autres pas peut-être. Le langage de la poésie caresse chaque mot dans le sens du carrefour de sens. On goûte aux mots, ça goûte, les mots, ça s'égoutte. Les mots comme la salade qu'on secoue, comme une bonne laitue. Et pchit, ça troue. On entre dans voque, voque langue, dans voque, voque, dans voque les langues, dans la voque plurivoque, dans ce qui est... Voque, voque la langue, cette langue plurielle, et voque, je, un, je, deux, c'est lui, trois, j'en suis sûre, quatre, c'est lui, cinq, aussitôt j'ai su, six, à l'instant même où je l'ai vu, sept, mon sang a fait son grand tour, huit, à l'instant même où je l'ai vu, 9. Dès que je vous ai vu, tu m'as plu. C'était un peu une dédicace d'amour, en fait. D'un texte que de vous plus avez... en plus gentil. D'un texte que vous... Enfin, c'est le début d'un texte que vous avez écrit qui s'appelle... La litanie du coup de la foudre. Voilà, oui. Tout à fait. Je l'ai reconnu. Que j'aime beaucoup. Voilà, on vous accueille, vous êtes poète, compositeur également, vous créez des partitions avec des musiciens, vous donnez beaucoup de concerts, performances, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Vous écrivez, comment on peut dire, magnifiquement. Vous construisez, déconstruisez, reconstruisez, inventez, décalez. L'homme n'est plus l'homme, mais l'homme. Les bêtes, on est contre, mais c'est pas les bêtes dont on parle. On parle des bêtes, mais pas seulement de celles-là. Pas que seulement des bêtes. On parle aussi... de l'homme, il y a toujours cette question de l'homme à travers votre œuvre. Et je voulais dire par rapport à... en fait, aujourd'hui, on pourrait ne plus dire « vaquer à », mais on pourrait dire « voquer à ». C'est formidable, ça. Oui, c'est formidable. Non, voque, oui, c'est le nom de ma compagnie de théâtre, musique, en fait. Voilà, j'aime bien, en fait, les mots qui... J'aime bien les mots qui ont failli exister, qui n'existent plus. Voilà. Ils n'existent que parce qu'il y a des petits préfixes qui sont qui existent encore. Évoque, invoque, convoque, provoque. Mais le mot voquer n'existe plus. Voilà. C'est dommage. Donc on essaie de le faire revivre tout seul, comme un grand. Sans préfixe et sans suffixe. Tout à fait. Donc on peut voquer à ce qu'on veut, en fait. Ah bah oui. Ouais. N'hésitons pas. Alors, vous avez amené avec vous un livre aujourd'hui. Qui est description de l'homme, une encyclopédie médiévale écrite au 22e siècle. Oui. Par un papillon ou une grenouille ? Une grenouille, surtout. Une grenouille, oui. Oui. Oui. Et alors pourquoi la grenouille a-t-elle écrit ce texte ? Eh bien, parce qu'elle elle essayait désespérément de comprendre ce que c'est qu'un homme. L'homme avait disparu, en fait, et on entendait encore parler de lui. On avait des photos, et donc on essayait de. Les grenouilles ont essayé de décrire cette espèce qui a malheureusement ou heureusement disparu. Voilà, donc voilà, le premier chapitre c'est sur l'anatomie, il y a un chapitre sur la digestion, il y a un chapitre sur la respiration, sur la parole, et puis on avance sur le mode de locomotion, sur les pauvres et les riches, alors peut-être on arrive plus proche de notre sujet là, sur l'économie, sur la religion, et voilà, et tout s'explique en fait par le fait qu'il y a des boules et des trous dans l'homme. J'allais le citer, cette phrase que j'aime beaucoup. Ah bon, c'est l'axe de... c'est vraiment l'axe du livre, oui. Est-ce que vous voulez nous en donner à entendre un passage ? Quel est le passage que vous avez choisi ? Bah, pourquoi entre pas ? Alors, il y a mode de vie, vie sociale, 23. Allez, j'y vais. Allez, c'est parti. Il y a des documents aussi hein, dans le livre, des documents, des jeux, des questionnaires. Alors, vous me direz ce que vous voulez. Okay. 23, mode de vie, vie sociale. 23.1. Les hommes se divisent en pauvres et en riches. Les pauvres nourrissent les riches. 23.2. Mouvement de population. Les riches se déplacent vite, les pauvres lentement. 23.3. Autre observation, les riches se déplacent assez souvent pour leur plaisir. Les pauvres pour leur malheur. 23.4. On peut donc avancer l'équation suivante. Plaisir sur vitesse égale malheur sur lenteur, contrairement aux autres mouvements de opulation ou de copulation. 23.5, pauvre riche. 23.6, dans son immense folie, l'homme a eu la sagesse de concentrer toute la richesse au nord, c'est-à-dire au haut de la boule numéro 1, sans quoi la boule basculerait sous le poids du bien-être. D'aucuns tiennent que le nord est en réalité en bas et le sud en haut. Aussi les pauvres sont-ils riches et n'ont aucune raison de se plaindre. 23.7. Les hommes tiennent leurs cartes dans le mauvais sens. 23.8. Après leur mort, on suppose que les hommes ont une autre vie, égale une seconde chance. On suppose encore que les pauvres alors deviennent riches et les riches pauvres. Mais ce ne sont que des suppositoires. 23.9. Lorsqu'on montre à l'homme une carte dans le bon sens, il ne se retrouve plus. 23.10. Le pli mauvais a été pris dès la première invention de la première carte. 23-11, lorsqu'on remettra les choses à l'endroit, on très bien voit que le nouveau York est côte ouest et les anges, à supposer qu'il n'ait pas disparu, côte est. 23-12, ainsi lorsque la Rance existe ou existera, on a l'océan sur sa droite, Brest est à l'est, la ville du Stras à main gauche et la Corse en haut, comme il se doit. 23-13, aussi les Patagons et leur absence d'ours blanc vivent-ils au sommet de la banquise et du lobe terrestre pour l'éternité? Voilà, je vais m'arrêter là dans ce chapitre. On laissera le temps d'en voir d'autres si vous avez envie. Oui, carrément. Comment ça se met en route tout ça? Comment ça agit pour vous dans l'écriture pour arriver à trouver ces phrasés, ces constructions de langage? Je prends des notes depuis longtemps. Ça c'est un bouquin qui a été écrit sur une quinzaine d'années en fait. Là, le début du chapitre que je vous ai lu, il date vraiment d'il y a assez longtemps, 20 ans je crois. 15 ans peut-être, 15-20 ans. Voilà. Et donc je prends des notes et puis petit à petit m'est venue l'idée de réunir tout ça sous la forme d'une fausse encyclopédie, une encyclopédie ratée comme ça, avec des documents, avec des... Voilà. Tiens, je vous fais un autre petit document. À qui appartient le monde? C'est un questionnaire. Hein. À qui appartient le monde? C'est toujours un questionnaire, je vous le refais. Oui. À qui appartient le monde? C'est un questionnaire. C'est un questionnaire. Le monde appartient à Dieu et à l'homme qui se lève tôt. Si vous n'avez pas envie que le monde vous appartienne, si vous avez envie que le monde n'appartienne à personne, restez couché. Radio debout. Ou bien levez-vous. Debout. Couché. Assis. Levez-vous. Couché. Assis. Debout, le chien. Couché. Aïe. Oh. On va repasser un petit peu à l'AG et après on retourne avec Jacques Rebautier. Quand il y a des vols, des viols, je rentre à la maison. Voilà, je me sens un peu coupable pour ça, mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est avoir des gens en fait pour faire des roulements. Parce que les gens qui rentrent chez eux le soir rentrent chez eux pour l'argent, d'accord? On rentre pour l'argent, qu'on soit d'accord. Et que même si nous, notre situation, elle va rester à peu près stable parce qu'on rentre à la maison, etc., ce sera toujours nos enfants, notre ami, notre cousin, notre machin qui sera super dans la merde et qui sera super triste et ça fera que grandir. Donc s'il vous plaît, je sais pas, même si vous voulez pas camper ici la nuit tout le temps, parce que même nuit debout rentre à minuit en fait, hein, donc nous on est là à dormir avec les SDF, donc... Je sais pas, enfin, faites des roulements, proposez-nous des activités pour la nuit, pour essayer de divertir les gens qui pensent qu'à boire ou qu'à se droguer parce qu'ils sont seuls, parce qu'on est seuls, parce qu'on est triste comme ça, parce qu'on devient déchu quand on a une enfance de merde, quand on a autour de nous, quand on a à l'école, voilà, des gens de merde. Même si nos parents se tuent à faire une bonne éducation, on finit toujours par avoir une chance pour tomber dans le trou. On n'est pas tous forts, on n'est pas tous super forts. Il y a des gens sensibles, il faut les écouter aussi, il faut arrêter... Je sais pas, je viens vous voir avec un désespoir de ouf, là. Je suis là la nuit, moi, il y a plein de mecs autour de moi, je suis presque la seule nana, on doit être 5 nanas à tout casser. Et vous êtes chez vous et vous pensez à Nuit Debout, mais penser à Nuit Debout, c'est venir. Voilà, si vous voulez pas venir, proposer des activités au moins. Et aussi, puisque je suis là, je vais en profiter, j'aimerais beaucoup organiser une marche nationale, parce que j'ai vu l'idée sur Internet, j'espère que ça commence peut-être déjà à se faire. Je pense que ce serait cool d'aller de ville en ville, par groupe de 100, de faire 10 km, d'arriver, de montrer c'est quoi l'AG, parce que les médias nous rattraperont toujours. On les laisse trop parler sur nous. Quand il y a BFM Télé qui est là, on les vire même pas, on les laisse ici, alors qu'à la base, le patron, c'est Panama Papers. Hein, voilà. Pendant 2 jours, on était tous énervés, mais là, j'ai vu un monsieur là-bas, il est pas très content, il en a marre, alors j'arrête. Je suis désolée. Voilà, passe une bonne soirée, bisous. Ah pardon, je suis désolée, pardon, c'était l'inverse. Ouais, c'est le manque de confiance ça les gars. Voilà, si vous avez manque de confiance aussi, venez. Je sais pas, voilà, venez, merde, c'est tout. La nuit. Ben est demandé, Ben. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis pas très à l'aise au micro, alors j'ai un petit texte à vous lire. C'est un appel pour demain. Lié à Nuit Debout. Dans le même esprit de convergence que l'appel au meeting Nuit Debout, qui se passe demain à République, une équipe spontanément formée suite à la proposition de... Je parle trop vite, non? Ça va? Suite à la proposition de faire un cortège manifestif aux côtés de différents syndicats. La fête des travailleurs 2016 et travailleuses 2016, se déroulant dans un contexte de lutte contre la loi El Khomri et son monde, Nous appelons toutes les forces invisibles, debout ou désireuses de se lever, syndiquées ou non syndiquées, chômeuses, précaires, retraitées, etc., à venir fêter dans la rue notre révolte. En ce sens, nous avons déclaré en préfecture une manifestation, empruntant le même parcours que celui déclaré par les syndicats. Mais nous l'avons prolongé jusqu'à Place de la République et jusqu'à 22h. C'est au rythme de nos musiques et de prises de parole que nous proposons de marcher ensemble jusqu'au meeting Nuit Debout. La fête est une révolte, la révolte est une fête. Rendez-vous Place de la Bastille, dimanche 62 mars à 14h. Itinéraire, Bastille, Nation, République. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Debout en direct de la Place de la République. Et on retrouve toujours tout de suite Lise Marie et Jacques Robotier qui sont au plateau de Radio Debout. Oui, alors il y a en effet, comme vous avez pu l'entendre, sur l'AG, des sujets sensibles en ce moment et des questionnements. Voilà, c'est important de les entendre. Je sais qu'il semblerait qu'il y ait un groupe, c'est juste comme ça pour en parler, parce que hier j'ai assisté à une réunion de plusieurs commissions. Donc qui se sont réunis pour discuter un petit peu de la violence sur la place qui peut arriver après minuit en effet. Donc il y aurait un groupe de... comment ça s'appelle ? Je ne me souviens plus de quoi. Un groupe de personnes, qui, une brigade, merci Manon, une brigade pour intervenir plus tard, une fois que la place est vidée, qui ferait un peu le tour de la place. Etc. Donc il y avait cette proposition qui a été faite, je ne sais pas si elle aura lieu et on vous tiendra au courant. Nous sommes donc le 61 mars et demain le 62 mars. Rendez-vous bien sûr la manifestation du 1er mai des travailleurs et non pas du travail. Rendez-vous Bastille 62 mars à 14h et le départ sera à 15h. Et nous serons demain de midi à minuit sur la place de la République avec plein d'inserts, etc. Jacques Robotier dévale les mots, comme on assoiffe le monde. Il encercle le sens, le décercle, l'axe, le désaxe. Il fait une fête à... Il fait une fête au langage, il fait une fête aussi dans le sens faire la fête dans le sens négatif, quoi. Tu vois, tu fais la fête, mais tu fais la fête aux mots, quoi. Tu leur donnes un coup dessus et tu les fais partir. Donc, vous allez nous lire. Je pourrais presque vous tutoyer parce que juste. Tutoyons-nous. Voilà. Faire la fête à la main, peut-être avec une manifestation. Non, manifestation, c'est faire la fête à la main. Voilà. Bien qu'on marche avec ses pieds voilà. Dans la manifestation, mais oui. C'est quand même à la main que ça se fait. Tout à fait. Voilà. Donc, à la main. Sans en venir aux mains quand même, enfin pas tout de suite. Non, on viendra aux oui. mains demain. Oui. Demain. Demain. Et maintenant. Ou maintenant. En se tenant les mains. Oui, les mains. Ouais. Allez, on se tient tous les mains. Et là, vous allez nous lire un extrait de toujours cette encyclopédie. De l'Aume. Un passage lié à. On va voir. Pas, ça... C'est des questions. C'est-à-dire que c'est dans le chapitre sur la dédémocratie. D'accord. Parce que je pense qu'on est entré largement dans la dédémocratie. Et donc, alors, vous avez le choix entre un projet de constitution. Oui. De la liberté et de l'égalité. Oui. Voilà. Et mesurer votre taux de pensée inique. C'est un questionnaire. Alors ça, c'est vrai que c'est le dernier hein. me plaît bien. Ah oui, est-ce qu'on est d'accord ? On vote Oui. Alors, on est trois. Et moi, je vote contre, personnellement. Quatre, ah oui. Ah. Donc, 4-1, j'ai perdu, donc je vais vous le lire. Voilà. Mesurer votre taux de pensée inique. Et êtes-vous vraiment un bon penseur inique ? Est-ce qu'il vaut mieux, grand A, prendre aux riches pour donner aux pauvres ? Grand B, prendre aux riches pour donner aux riches ? Grand C, prendre aux pauvres pour donner aux riches ? Grand D, prendre aux pauvres des pays riches pour donner aux riches des pays pauvres ? Alors je développe, grand A. Prendre aux riches pour donner aux pauvres, est-ce que c'est ? Une utopie chronique. B. Une utopique anachronie. C. une illusion comique. D. La révolution. B. Prendre aux riches pour donner aux riches, est-ce que c'est 1. Le cours normal des choses. B. Le cours de la bourse. C. Le coût de... C'est la faute à la fatalité. D. Le coût de la concurrence. C. Prendre aux pauvres pour donner aux riches, est-ce que c'est... Grand 1. Une économie de gestion. B. Une économie de marché. C. Le jeu très libre du très libre-échange. Grand D. Prendre aux... Vous vous souvenez de Grand D ou non? Grand D. Non, hein, oui, ah, oui, non, bah, non, vous, moi, vous n'avez pas suivi. Ouais. Alors, Grand D. Prendre aux pauvres des pays riches. Ah oui, c'est ça. Pour donner aux riches des pays, pays pauvres. Est-ce que c'est 1. De l'aide au développement. B. De l'aide au développement. C. De l'aide au développement. De l'aide. De l'aide. De l'aide. De l'aide. De l'aide. De l'aide. Et justement, on voulait rassembler tous les laits aussi qui viennent sur la nuit debout, c'est important. Mais non, c'est pas des LED. C'est pas des LED pour éclairer. Ah, c'est pas des LED. Vous n'avez non pas plus compris le texte. Mais si vous je êtes vais le LED, relire. Vous hein pouvez venir quand même. Ah oui. Ouais. Et les LED ont le droit de venir aussi? Les LED aussi. Ouais. Les LED. Putain, c'est super les ouvert. LED, les ampoules LED. On veut tout. Les ampoules LED, ouais. Et LED au développement également peut venir. Voilà. LED au développement. Oui. D'accord. Ça peut aider. Venez. Oui. Ça peut aider. Ça peut l'aider. Ça peut l'aider LED. Ça peut l'aider. Oui. L'aider LED. Donc pour l'idée de la pensée unique, oui, donc ça c'est ça, un, c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ce n'est plus à faire. Oui. Vous aviez envie de nous en lire un là que vous, bah, qui n'a pas été voté ou bah c'est non, un non, autre. Non, mais non, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire le comment blanchir et l'argent. Est-ce que vous voulez qu'on en lise à trois voix bien qu'on sûr, essaye de pas se avec oui. Manon. Manon. Mais oui. Vous avez un micro? Manon, on va se micro faire passer le livre. Alors, attendez, je vais choisir le bon texte. Allez-y. Pour lire à trois. Ouais, hein, ok, on se fait un deux, trio. Ah, ça aurait été alors bien ça à trois. Manon, mais ça tant va pis, il est fait. Je vais en tirer jaune. Ah, ben si, on va faire celui-là. Non, il fait froid sur la place de la République, on est toujours là, c'est super. Les personnes qui sont à la technique n'ont pas toutes des... On a des petites ampoules, ça brille comme d'habitude, c'est des formidable. LED. On a des petites LED de des couleur. Des LED pas LED, par contre. Ouais, qui sont non, pas LED. C'est des LED pas LED. Émilie a les doigts un peu congelés, voilà, parce qu'elle n'a pas pris ses mitaines. Ça, c'est vraiment dommage. Ça ne va pas. Par contre, Manon a des gants et toi, tu as des mitaines. Ah, c'est bien formidable. Et tu t'appelles comment? Et Pierre a des mitaines. Pierre donc a des mitaines. Et Clément... Ça pourrait être un titre de très joli livre. Pierre a des mitaines. Pierre a des mitaines. Mais les mitaines n'ont pas de Pierre. Non, ouais, pas encore. C'est vrai. Jacques, vous avez trouvé? Tu as trouvé? Puisqu'on est là pour refaire le monde, après tout, on va le refaire. Malheureusement, je pense que cette constitution, ce projet ne sera pas retenu, je le crains. Mais ça ne fait rien, on va vous le lire. De la liberté, de l'égalité, un projet de constitution. Article 1. Article 1. Tout homme a le devoir impératif d'être libre. Article 2. La liberté est obligatoire pour chacun, sauf lorsqu'elle vient entraver l'exercice libre de ses devoirs. Article 3. Tout individu a le devoir d'avoir le droit de travailler en tant qu'esclave. Non, qu'esclave, simplement. Ouais, ouais. Et bien, voyez, il y a des mots comme ça, j'arrive pas à les dire. Ah bah. Un esclave. Et le travail rend libre. Hegel, Goebbels, Fazenderos. Il est dans l'obligation de la liberté de rendre travailleur. Article 4. Le travail rend ivre. Article 5. L'intérêt général s'arrête là où il dérange l'intérêt des particuliers. Et en particulier de certains particuliers. Hein. Article 6. L'exercice de la pensée individuelle est libre et souveraine, mais pour des raisons pratiques, les médias seront la propriété de particuliers. Article 7. Tout individu aura droit à confier son intérêt particulier à la BIG, Banque d'intérêt général, qui gérera au mieux de leur intérêt, l'intérêt des particuliers. Oui, qui gérera au mieux de son intérêt, en fait, j'aurais dû écrire. D'accord. Au mieux de son intérêt, la BIG, l'intérêt des particuliers. Hein. Article 8. On refait le texte. Tu veux le refaire ? Non, c'est bon. Ah bon. On refait le texte. Article 8. L'individu a tout intérêt à souscrire pleinement à l'intérêt général de certains particuliers. Oui, on refait le texte parce qu'il ne faut pas croire ce qui est écrit dans les livres. Article 9. Il conviendra ainsi de distinguer avec soin entre particulier et particulier. Ben oui, quand même. Article 10. Cas particulier de la femme. Non, c'est à toi de lire. Ah, alors, article 10. Cas particulier de la femme. Le droit de l'homme, de la femme, à être librement contrainte et inaliénable, voire décret d'application, voile. Article 11. L'intérêt général de masse ne pourra pas excéder 0,005%. Article 12. Article 12. L'intérêt général des particuliers est de l'intérêt de tous et ne peut être limité. Article 13. Celui qui est plus égal et plus général que les autres a le droit de voir de les conduire au mieux de son propre intérêt général. Article 14. L'intérêt général n'a généralement pas grand intérêt. Non, je ne pas la peine. Article 15. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Mussolini. C'est un vrai, ah oui. Un vrai décret de Mussolini, en fait. C'est vrai, en plus. Ah, hein. Il l'a vraiment dit comme ouais, ça. Ouais. Sacré bonhomme. Article 16. Si l'application de la présente Constitution vient à présenter des difficultés, des pouvoirs pleins et spéciaux pourront être conférés au général intérêt. Article 16. Si l'application de la présente Constitution vient à présenter des difficultés, des pouvoirs pleins et spéciaux pourront être conférés au général intérêt. Je répète, mais c'est pas grave. Hein, je n'écoute pas, je répète. Bon, je vais le dire aussi. Article 16. Si l'application... Ah non, on l'a déjà dit. Article 17. La fraternité sera remplacée par la paternité. Article 18. Au concept de mère-patrie, illisible pour contradiction dans les termes, on substituera le concept de père-matrie. Ben oui, c'est beaucoup mieux. Article 19, alors ça c'est pour moi. Le général Pierre-François-Georges Intérêt exercera l'exercice de ses pleins pouvoirs dans l'intérêt de l'intérêt général. Désolé. En vous remerciant. Donc on espère que vous allez voter cette constitution voilà, et que vous pourrez nous envoyer des petits messages sur par tweet, c'est ça, pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé, des propositions de la constitution écrite et proposée par Jacques Rebautier. Jacques, est-ce que vous voulez, Manon, tu voulais dire un petit truc? J'allais dire qu'on pouvait peut-être en imprimer quelques exemplaires pour la commission constitution. Ça pourrait les inspirer leur travail peut-être, je ne sais pas. J'ai peur que ce soit rejeté. Ah zut. Je crains. Non. Ces gens qui rejettent sans même avoir lu. Oui, c'est vrai. Jacques, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot encore? Après, on va écouter 1000 jours en mars de Sophie. Des petits extraits, des petits bouts qui ont été enregistrés par Sophie, qui est là maintenant à notre droite. Jacques, quand vous composez de la musique également, du oui. coup Oui. C'est vous qui l'a composé? Oui. Avec quel instrument de base? Ben non, j'ai fait des études en fait, de composition au conservatoire, tout ça. Voilà. Donc j'ai toujours navigué entre le son et le sens. Voilà. Et puis là, en ce moment, j'écris pour un quatuor à cordes et je détourne des chansons Only You, qui devient Only Me, qui devient un truc de dictature. Voilà. L'été indien, qui devient L'été pas bien, c'est un week-end de loose amoureuse totale. Voilà, donc je détourne des chansons, j'écris pour quatuor à cordes, puis je fais avec eux un tour de parole, comment dire, un tour de chant. Quoi. Voilà. D'accord. C'est mon prochain spectacle. Okay. De toute façon, il y a toujours du détournement dans votre écriture depuis toujours. Quoi. Ça... Ou vous l'avez. Enfin, ça a évolué, j'ai l'impression. Ça, par rapport à il y a quelques années, ça s'est non pas simplifié, je dirais, mais ça s'est. Je ne sais pas comment dire. Si c'est pas plus clair en, dans le sens. Enfin, c'est difficile de dire que c'est clair ou pas clair, ouais. Mais. Au niveau de la densité, je trouve que ça a changé. Moi, je ne me rends pas bien compte, je ne sais pas. En tout cas, le langage, c'est vraiment essentiel, quoi, parce qu'on se fait beaucoup entuber socialement par le langage. Donc, les mots, c'est vraiment capital. Et alors, juste de savoir comment décrypter, analyser et déjouer. Ça peut être des armes terribles pour enfumer, et ça peut être des armes aussi pour libérer. C'est vraiment essentiel, je crois, le langage. Et qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est un mot qui en ce moment tourne beaucoup, migrant, parce qu'on ne parle plus d'émigrés, alors bien sûr ça n'a pas le même sens, mais en ce moment on parle beaucoup de migrants. Alors moi, pour moi, ce sont des oiseaux. Et donc, je n'avais pas compris le mot. Quand je me suis rendu compte ce qui se cachait derrière, ça m'a un peu inquiété. Déjà, migrant, c'est un peu comme votre tout à l'heure, vous disiez migrant. Alors, on a émigrant ou immigrant déjà. Hein. Alors, migrant, ils ont perdu leur préfixe. Là. Moi, ça me fait penser aussi à pays émergés. Donc, ça veut dire qu'il y a des pays immergés. Donc, c'est ce ex et ce in là qui est en préfixe. Il est souvent hyper signifiant en fait dans ce qu'on amène. Moi, j'ai le chapitre là sous les yeux, les pays immergés, vous voyez, les pays émergents, ce qui sort, alors de quoi ça sort en fait, de l'eau, de la soupe générale du marché peut-être, mm-hmm. Je sais pas, la c'est grande ça. Soupe. Mm-hmm. Voilà. Enfin, moi, je pense que ces mots, même si on rigole avec, en fait, ça peut. Vous voyez, 20, 35 pour émerger, émigrer. Mm. Alors, choix, émerger ou immigrer. Bon, monsieur, vous choisissez. Lorsqu'un pays est trop immergé, eh ben, il se noie. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien acheter, nous acheter, je veux dire, hein, au pays émergé. Et d'ailleurs, voilà. Bientôt... Fluctuat nec mergiture. Exactement. Pardon. Et bientôt, des pays immergés n'auront plus que des immigrés puisqu'ils n'auront plus de terre. Très juste. Très juste. Alors là, on ne sait pas quoi rajouter. On va donc remercier Manon, Jacques Rebautier infiniment. Une autre fois, je vous poserai la question de votre nom de famille que j'aime beaucoup. Ah oui. Moi, c'est Barré. Barré, c'est bien aussi. On a dû vous la faire 27 fois, non ? 27 ouais, 000. Mais moi, j'aime bien. Et ouais. Avant de repartir à l'AG, je voulais vous dire juste que Fanny vous embrasse. On retourne à l'AG. Merci, Fanny. Qui est le signe de reconnaissance qui est le bout de tissu rouge qui est parfois sur les vêtements ici à la Nuit Debout, et ben qui soit généralisé aux fenêtres par exemple des immeubles de manière à montrer que à diffuser ça cette proposition pour que les gens qui viennent pas à la Nuit Debout, qui vont pas aux manifs, et ben qui puissent aussi manifester leur solidarité avec le mouvement et leur refus de la loi travail. Voilà. Merci à toi. Merci. Lucie. Bonsoir. Alors. Dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29, à 1h du matin, on n'avait pas le droit de rester sur la place. Bah oui, c'est l'état d'urgence, tu comprends. On n'avait pas le droit et on le savait. Et on savait aussi que la réponse serait certainement violente. Mais on est resté. Parce qu'on ne veut pas courber le dos sous l'ordre d'un état d'urgence hyper oppressif. Parce qu'on est bien ensemble, parce qu'on peut continuer de parler, nos armes sont nos idées. Et après tout, qui se ressemble se rassemble. Quand soudain, une pluie de gaz lacrymogène s'abat sur nous. On commence à avoir l'habitude du gaz. Le gaz d'ailleurs. Quel symbole à gerber. On doit se disperser dans un chaos enfumé. Non, je ne quitterai pas un lieu où j'ai le droit de rester, accusé du crime d'être debout et de parler. Premier assaut. Ils nous divisent pour mieux nous soumettre. Encerclés de CRS sur toute la place, je cherche mes compagnons de lutte dans la fumée qui fait pleurer. Ils rechargent, j'avais pas vu. On se fait tirer à vue. Je prends une balle de flashball en pleine tête. Je hurle, je m'écroule par terre. La douleur est tellement forte, mais l'indignation l'est encore plus. Salaud d'état policier, ce soir tu m'as encore frappé. Plusieurs militants viennent me porter secours. Ils jettent du sérum fi sur ma peau brûlée. Allez, mademoiselle, relève-toi, ils sont encore en train de charger. J'ai mal partout et j'enrage. N'ont-ils vraiment aucune parole, aucune morale, ces humains qui obéissent ? Et lorsqu'ils ne se mettent à cinq pour défoncer un vieux, ils matraquent les oppressés au compte des oppresseurs. Je leur souhaite très sincèrement de se racheter des valeurs. À l'hôpital, plus tard, je croiserai d'autres jeunes, comme moi, défigurés. Le médecin me dit que les victimes de CRS n'arrêtent pas de défiler, que j'ai eu de la chance, un peu plus haut et j'en crevais. Aujourd'hui, j'ai une sale gueule, mais ça va dégonfler. Ma volonté est intacte, et même, je reviendrai. Donc, on se fait canarder. Parce qu'on est debout, parce qu'on est sur une place publique. On se fait canarder, après ils vont dire qu'on balance des bouteilles. J'ai envie de te dire que quand t'as un bouclier, un casque, et que toi t'es en face, tu te prends un flashball, ben franchement, la canette, moi aussi j'avais envie de la balancer si j'en avais une. Donc comment on va apprendre à résister à ça, parce que ça va être de plus en plus oppressif. Je pense que la violence, je sais pas comment... franchement, je me pose plein de questions sur comment on va pouvoir réagir à ça. Mais de toute manière, qu'on s'arme et qu'on réplique, ça servira à rien. En face, on a une armée. Donc il va falloir des actions de résistance où on reste debout. Où on reste debout et irrévérencieux toujours. Et ça lui fera bien chier. Donc enchaînons-nous, restons là, restons toujours ensemble, regroupons-nous toujours. Ne fuyons pas, c'est la meilleure résistance qu'on puisse avoir. Et je sais pas, j'aimerais qu'on soit tous, qu'on se rejoigne tous, qu'on en prenne conscience, qu'on peut pas laisser les copains se faire canarder parce que je savais que ça allait être violent. Mais je suis pas partie parce que on doit rester soudés. Voilà. Merci. Et au-delà de ça, je fais partie de la commission antispéciste. Je suis là tous les jours. Et ce soir, on a une projection. Et vous êtes invités à venir à 22h. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. La commission internationale. Bonsoir tout le monde. Alors, je viens parler pour la commission internationale. Comme vous auriez sans doute déjà entendu parler, le 15 mai, il y a le Global Debout, c'est-à-dire toutes les villes du monde debout, à occuper une place, comme nous. Wouh ! Et donc, pour coordonner cette journée ou cette nuit debout partout, le 7 et le 8 mai, il y a les internationaux qui sont invités à venir à Paris. Et donc, il y en aura tout plein, surtout d'Espagne, Italie, Allemagne, mais aussi d'Angleterre, des Pays-Bas. Enfin, tout le monde est le bienvenu. Et donc, je viens ici pour qu'on leur propose un couchsurfing entre nous en nuit de boutistes. Les journaux, ils disent ça, alors je reprends. Et donc, j'ai eu un petit papier où il y a écrit « Information de contact ». Donc, si vous pouvez, vous donner votre nom, votre numéro, votre mail, le contact que vous préférez, les langues que vous parlez. Si vous parlez pas de langue étrangère, c'est pas grave, parce qu'il y en a qui parlent français sûrement. Et combien de places vous avez, donc combien de personnes vous pouvez mettre, si vous préférez, fille ou garçon, ou gay, ou enfin, comme vous préférez. Et voilà. Et j'avais juste un petit truc à dire à mon nom propre, pas de ma commission. Surtout le soir où il y avait les syndicalistes qui parlaient, on avait tous peur d'être un peu récupérés, la récupération politique. Bah, dites-vous que quand ça partira dans tout le monde, on sera irrécupérable. Donc, global debout et dites-le à tout le monde et voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, rapidement. Toutes les personnes qui ont été victimes de violences policières, je vous invite à venir me voir parce que je suis avec des journalistes qui recherchent des témoignages de personnes qui ont été violentées. Voilà, je suis à la commission antispéciste. Pour l'instant, je suis là, mais tout à l'heure, j'y serai. Merci. Commission modération. Bonsoir. Alors, d'abord, je vais vous faire un petit topo. La commission, c'est... Ah non, d'abord, je relais le message de nos camarades de l'Accueil Sérénité et Infirmerie. Ils ont tout un tas de stocks de sérum FI et autres pour en prévision de la manif de demain, pour cette nuit, etc. Donc, vous n'hésitez pas à aller les voir, à aller en choper. Ils en ont plein, autant que ça serve, si vous avez l'intention de rester, si vous avez l'intention de manifester. Et je vous incite à le faire. Ensuite, donc, cet après-midi, la commission démocratie sur la place s'est réunie, comme d'habitude. Deux sujets ont été travaillés, le futur système de vote et, donc, de l'Assemblée et l'Assemblée de demain, qui sera donc, un grand débat sur justement le 1er mai, le travail, les enjeux démocratiques de la Nuit debout, etc., histoire de faire le point après 4 jours de débat. Normalement, tout sera posté sur le Facebook et Wikipédia. Et si jamais vous avez besoin d'informations, vous voulez participer ou critiquer, la commission se réunit demain à 16h sur la place, donc venez. Et du coup, j'en profite pour dire que ça fait 2 heures que l'équipe de modération modère et qu'on va opérer une rotation des équipes. Donc, si vous êtes motivé, venez, on vous explique. C'est pas bien difficile, c'est plus un regard particulier d'ailleurs sur l'Assemblée. On apprend plein de choses au passage. Et de la présence de cette équipe dépend la suite de l'Assemblée. Donc, s'il y a des gens qui peuvent vraiment venir, ce serait bien parce que sinon, on va avoir un problème. Merci. Il est 21h08 et vous êtes toujours en direct de Radio Debout, en direct de la place de la République à Paris. Et on va tout de suite retrouver Alice. Salut Alice. Salut Clément. Tu as fait un tour du côté du lycée Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris cet après-midi. Un lycée où se sont abrités des réfugiés qui étaient du côté de Stalingrad, qui sont là-bas depuis une dizaine de jours. Et il y a un avis du tribunal administratif, un avis d'expulsion qui est tombé ce matin. Raconte-nous un petit peu qui allait cet après-midi pour rencontrer les gens qui étaient là-bas. Oui, voilà, absolument. Donc c'est un squat en fait qui se trouve dans un lycée désaffecté qui est situé au 18 avenue Simon Bolivar, hein, donc sur le haut de l'avenue Simon Bolivar. C'est un énorme endroit, hein, ça fait je crois 10 000 m², c'est un ancien lycée professionnel. Et donc il y a entre 250 et 300 personnes qui viennent principalement du camp de Stalingrad mais aussi d'autres camps qui étaient éclatés un peu partout dans Paris, qui se sont rassemblés dans ce lycée donc il y a une dizaine de jours comme tu le disais, avec surtout comme objectif de s'organiser, c'est-à-dire qu'ils veulent se mettre ensemble. Ils m'ont dit on est rentrés ensemble, on va sortir ensemble, parce qu'ils ne veulent plus être face à des procédures de régularisation individuelle. C'est-à-dire que dans ce squat, il y a à la fois des gens qui ont des papiers, des gens qui n'ont pas de papiers, des gens qui veulent des logements, qui ont parfois même le statut de réfugié, etc. Et ils veulent se mettre tous ensemble pour pouvoir faire pression et obtenir une régularisation de leur situation massive. Donc voilà, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des gens d'un peu partout. Donc les communautés de réfugiés qu'on connaît sur Paris et qui sont sur Paris depuis, qu'on fréquente sur Paris depuis quelques années maintenant. Et donc, notamment, en fait, ils ont des gros besoins. Je suis désolée, je suis très fatiguée et de parler de ça m'émeut en fait parce que c'était assez difficile. Voilà, donc ils ont des besoins, ces besoins sont affichés sur des panneaux qui sont devant le lycée et je les ai lus et on va les écouter. Alors devant le squat, il y a deux grands panneaux avec écrit dessus d'abord les revendications. Nous sommes des exilés de plus de 11 nationalités différentes. Nous en avions assez de dormir à la rue. Jeudi 23 avril, nous avons décidé ensemble d'occuper ce bâtiment vide. Nous sommes unis par-delà les frontières pour obtenir des papiers pour tous. Ce lieu est un lieu où nous nous organisons ensemble, debout et à égalité, avec toutes les personnes solidaires. Alors, et en dessous, il y a un deuxième panneau où il y a écrit les besoins urgents. Alors, des sacs de couchage, des rasoirs, des matelas, des duvets, de la mousse à raser, du shampoing, savon, brosse à dents, dentifrice, produits nettoyage et serpillière, pain, nourriture, plat, chaud ou froid, café, thé, soupe, miel, huile, riz, pâte. À votre bon cœur, merci. Donc, l'avis d'expulsion prend effet lundi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de lundi 8h, en fait, ils sont officiellement expulsables par les forces de l'ordre. Donc, si vous voulez vous tenir au courant hein, sur Twitter, la chapelle debout, ils vont tenir au courant tout le monde de cet avis d'expulsion. Et c'est très important, en fait, qu'il y ait du monde qui vienne, ne serait-ce que pour regarder s'il y a les forces de l'ordre qui interviennent, parce que comme ça empêchera qu'il y ait d'une part des violences policières et d'autre part qu'ils emmènent des personnes et qu'ils les mettent dans les camps de rétention. Donc on écoutera de toute façon demain aussi un reportage que tu as tourné cet après-midi, qu'on écoutera demain sur Radio Debout. Peut-être rappeler l'adresse pour les personnes qui voudraient justement apporter de l'aide matérielle. Ouais, alors c'est situé au 18 avenue Simon Bolivar dans le 19e. Merci beaucoup. Au 15. Au 15 ? Ouais. Au 15. Au 15 avenue Simon Bolivar, donc dans le 19e. Merci beaucoup Alice, on va faire un petit crochet du côté de l'Assemblée Générale. On va ensuite revenir sur le plateau de Radio Debout. So, somebody say, I know there are, you know, and economical saving. Somebody says, I know the democracy supporting. Two kind, just for instance, I cannot understand. So, they want to, we can just bring, and hardly. But we can just say activity, knowledge, wisdom. That kind of one is the confused human being. And we can just draw so much protest and mind after I can delegate. Just for a cast, that kind went confused. So now it's not so long time, but it's I asked something important one. Okay, now we are no democracy. I asked for so only for the democracy supporting, and two kind of the democracy and the development. I request for any. A student and is the human is saving for economical development, democracy. We have €1 and we can is saving 15. Just for example, they want is not only for we can for the in the we can sourcing income in sourcing only for €2. And €1 is if you, for example, that kind one. €1 you can be saving, €1 can be if you can know that is it. That kind one is we can is the government political cannot anybody. And mine can't is doing the cast only for development or one student and saving and your life. We need to translate. Okay, thanks. I want only for 1 second. Sorry. Okay. So, now times they have so many, and even I asked for I forms Bangladesh, and my name is Borwa. I also the refugee, and is the France international student. So we also have the time. After next times I can do that is the event is before times event something others view Joffin. So the event is I can't everybody thanks and is event my friend is even translate some things in France. Okay, thank you. Thank you. La nuit tombe, la radio reste debout. Toujours sur Radio Debout. Et moi, je voulais juste faire un petit signe à Pascal, qui apparemment est très présent sur le site et sur le chat de Radio. Voilà, bonjour. Bonjour Pascal. Et on est toujours sur notre tente. Radio 2.0. C'est ça, Radio 2.0, mais sous une tente avec notre petite ampoule. Et on a un plateau assez garni. Un plateau garni, artistique et joyeux. Hein? Clément, tu veux faire une blague, peut-être? Clément est mort de rire. On va se reconcentrer. Hein. Du coup, on est alors avec Shakespeare debout et les spectateurs debout. On va peut-être vous laisser qui sont assis, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Et on va vous laisser vous présenter, peut-être. Alors. Bonsoir, je m'appelle Sonia. Alors toi, tu fais partie de Shakespeare debout. Alors peut-être qu'on fait d'abord un tour de table et ensuite on revient. Et toi, mademoiselle ? Bonsoir, je m'appelle Agnès et on est venu présenter notre nouvelle commission fondée aujourd'hui même. Donc on a achevé notre première AG avant de se précipiter sous la tente de Radio Debout. Mais c'est formidable, Radio oui. Debout toujours au plus près de l'actu. Hein. Voilà. Quand Radio Debout ne va pas chercher l'actu vient à Radio Debout. Donc voilà. Donc je suis Agnès et je passe le micro au reste des spectateurs debout. Alors moi je suis Emilien et donc effectivement je viens de découvrir et je viens de m'y rendre ce soir et de participer à l'AG de ce soir. Bah, Rafik, étudiant en électronique. Donc on a un joli petit groupe, hein. Il y a également pour nos auditeurs une quatrième personne mais qui ne parlera pas. Elle est là donc vous pouvez imaginer sa présence chaleureuse. Donc Sonia, toi tu fais partie de Shakespeare Debout, mais qu'est-ce que Shakespeare Debout ? Alors, relativement au début du mouvement, ça devait être, peut-être le 35 ou 36 mars, j'étais pas à Paris, j'étais loin en week-end et je suivais tout ce qui se passait à la République fiévreusement. Je voyais tout ce qui se passait, c'était quand les potagers debout sont apparus, Science debout, etc. Je trouvais ça tellement fort et important et nécessaire et j'avais très envie d'y être même si j'étais bien là où j'étais et je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais moi apporter, c'est quoi ma richesse, c'est quoi mon bagage et moi mon bagage, je suis comédienne, c'est les textes et toute l'année je travaille beaucoup avec la poésie et l'évidence était un peu d'apporter de la poésie et je me suis dit mais non ça je le fais de toute façon c'est quasiment trop facile et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire de plus beau, de plus fort, c'est Shakespeare, c'est un peu difficile à contourner et de plus infaisable, c'est évidemment Shakespeare, il y a toujours 25, 30 personnes je me suis dit c'est ça que je veux apporter. Place de la République, j'aimerais que la parole de Shakespeare résonne sur cette place pendant les nuits debout. Et bien justement, vous qui êtes des spectateurs debout, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, cette envie d'apporter la parole de Shakespeare? Et puis pourquoi aussi être spectateur debout? Parce que généralement on est assis dans au théâtre. Alors, excellent jeu de mots. Non, alors c'est très très bien, c'est une très bonne initiative, Shakespeare debout, mais il y a aussi le théâtre debout, plus généralement il y a le dessin debout, je trouve ça très très bien que l'art soit présent en Place de la République, et je pense que ce qui se passe actuellement en Place de la République est fondamentalement politique, et je crois qu'il y a un lien assez étroit avec la création artistique, mais justement, donc là on parle de création en fait, et je trouve ça très très bien vraiment qu'il y ait une visibilité en fait de la création sur la place, mais précisément en fait, nous ce qu'on a voulu mettre en avant et ce qu'on a voulu questionner, c'est l'autre aspect, enfin l'autre côté en fait de l'art, à savoir la réception. Et partant du constat qu'en fait on a tendance à penser les politiques culturelles et penser les politiques politiques, disons, de démocratisation de la culture assez exclusivement du côté de la création en fait. Nous on a vraiment voulu en fait s'interroger vraiment sur repenser en fait la réception donc en fait l'expérience esthétique, la réception de l'art. Et on a notre commission en fait s'est fondée sur deux réflexions qui sont sur deux plans différents mais qui sont fondamentalement liés. Le premier en fait, tout le mouvement de Nuit debout est parti d'une contestation de la réforme du travail et tout simplement on est parti d'un constat simple et d'un constat qui n'est pas forcément suffisamment mis en avant. Lorsqu'on pense la culture, en fait, c'est le lien qui peut y avoir entre le rythme de travail, le fait que le public est aussi bien souvent constitué de travailleurs. Essayer de repenser, de redonner de la place à cette réflexion au lien en fait qui peut y avoir entre rythme de travail, entre type de profession et type d'art consommé. Disons, je déteste ce terme, mais disons le lien entre l'intérêt culturel et le rythme de travail. Avec quand est-ce que finalement où est-ce que l'art et le spectateur se rencontrent selon la vie du spectateur et la façon dont l'art est produit? Exactement, quand on lit dans des journaux très récemment par rapport à la crise de l'intermittence, quand on lit dans un article du Figaro, le Figaro, ce même journal qui passe son temps à encourager l'augmentation du temps de travail des ouvriers et la flexibilité, donc cette flexibilité dégueulasse qui fait que comment on peut envisager de projeter une sortie au théâtre si on ne sait pas 2 heures à l'avance si on va finir à 14h ou à 22h. C'est ce même journal qui crache sur les intermittents en prétendant que de toute façon les intermittents profitent du système puisque tout le monde s'en fout de leur culture. Et à aucun moment, ce journal, à aucun moment, ne va faire le lien en fait entre rythme de travail et consommation artistique. Mais il faut partir de quelque chose de très basique. On ne peut pas s'intéresser à l'art si on n'a pas le temps pour le faire. Et le temps, c'est à la fois c'est à la fois du temps, disons, objectif, mais c'est aussi aussi l'espace mental et aussi de l'énergie tout bêtement. Et ça, c'est une réflexion qui manque en fait terriblement dans les politiques culturelles et dans voilà. Et justement, toi, Sonia, en fait, t'es venue jouer, dire Shakespeare sur la place. Pourquoi et comment amener une parole théâtrale sur une place publique? Alors, il y avait une autre motivation dont j'aimerais parler, à laquelle je tiens beaucoup. C'est que même quand on est comédienne professionnelle, il peut se trouver que jamais on jouera du Shakespeare. Enfin, c'est un exemple, mais comprenez, élargissez, sur scène. Moi, j'en ai fait dans ma formation, mais j'en ai jamais joué depuis. Et je suis pas du tout dans un certain nombre de réseaux. C'est des grosses productions. Il y a peu de chances que dans les quelques années qui viennent, je sois distribuée. Et c'est le cas de beaucoup de comédiens, et qui pourtant sont des comédiens professionnels qui ont du talent. Et c'est un peu comme s'ils étaient dessaisis d'une partie du répertoire qui est absolument fondateur pour nous. Et ce que j'ai voulu faire, et quand j'en ai parlé autour de moi à des amis comédiens, ils ont très, très vite répondu, c'est au lieu d'attendre que le système change, au lieu d'attendre que un metteur en scène veuille bien nous distribuer, et ben on va le faire. Voilà. Et pour moi, c'est l'esprit du 32 mars, c'est précisément ça. C'est on n'attend pas qu'on veuille bien avoir la gentillesse de nous donner un petit bout de droit. Non, on le prend et on le fait. Donc d'accord. Ça et l'autre chose. Ah, mais écoute, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit détour par l'AG où justement il y a beaucoup de prises de parole qui se font et qu'on revienne ensuite et tu nous parleras de la deuxième motivation qui t'a amené à venir dire Shakespeare sur la place de la République. En plus, à me demander si ce n'est pas justement là tout le problème. Vous êtes gentil, mais pourtant vous nous coupez la parole en AG. Vous nous coupez le micro. Mais pourtant, vous débarquez à 2h du mat chez une fille qui vous plaît pour lui faire une surprise. Vous êtes gentil, mais pourtant, vous recommandez aux meufs de surveiller leur consommation d'alcool tout en tendant une énième mutis à votre pote, déjà lourdingue à Jean. Vous êtes gentil, mais pourtant, vous faites des plaisanteries sur nos tenues vestimentaires, réactivant notre peur de n'être jamais rien d'autre que de la chair à chibre. Vous êtes gentil, mais pourtant, vous n'aimez pas trop qu'on vous dise non. C'est vrai, après tout, si c'est demandé gentiment. Je suis gentil, j'ai dit « allez, s'il te plaît » avant de trépaner son sexe résigné. Tu me tiens le micro parce que j'ai l'affiche. Honnêtement, auriez-vous l'audace de prendre la parole dans la foulée d'un témoignage de licenciement abusif pour rappeler que tous les patrons ne sont pas comme ça? Parce que vous, quand vous venez à la Nuit Debout, vous êtes là pour demander plus de patrons gentils, peut-être? Non. Parce que là, vous êtes du côté de la barrière qui a intérêt à voir qu'il s'agit d'un problème systémique, qui a intérêt à concevoir plus qu'un label récompensant les oppresseurs pour leurs louables efforts de gentillesse, qui a intérêt à se doter d'outils théoriques et pratiques émancipateurs, transformateurs, radicaux. Alors, puisque vous vous fichez de nos témoignages comme d'une guigne, peut-être qu'un peu d'histoire vous donnera matière à réflexion. À la fin du XVe siècle, une contre-révolution était en route à tous les niveaux de la vie politique et sociale. Tout d'abord, les autorités politiques s'employèrent à assimiler les travailleurs masculins les plus jeunes et les plus rebelles au moyen d'une politique sexuelle qui leur procurait du sexe gratuit et déplaçait le conflit de classe sur le conflit avec les femmes prolétaires. Les résultats, ils furent dévastateurs pour tous les travailleurs, car le viol de femmes pauvres soutenues par l'État sapait la solidarité de classe qui avait été conquise dans la lutte anti-féodale. Il n'est pas surprenant que les autorités aient considéré les troubles générés par une telle politique. Bagarres, présence de bandes de jeunes rôdant dans les nuits, dans les rues, la nuit, à la recherche d'une aventure et perturbant la tranquillité publique. Donc une telle politique, comme un moindre prix, les troubles générés par une telle politique, les considérer comme un moindre prix à payer en échange de la diminution des tensions sociales, obnubilées par leur peur des insurrections urbaines et par l'idée que les pauvres, s'ils prenaient le dessus, prendraient leurs femmes et les mettraient en commun. Alors, Lise, c'est à toi. Alors, puisque vous fichez de nos témoignages, peut-être qu'une citation certifiée Einstein vous donnera matière à réflexion. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Si vous croyez un tant soit peu qu'il est temps pour ce vieux monde malade d'abdiquer, cessez donc de lutter contre nous, mais avec nous, car c'est ensemble, debout, que nous en viendrons à bout. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Debout, alors avec toujours Shakespeare Debout, Spectateur Debout, Sonia, Agnès, Rafik et Emilien sont avec nous. Alors juste avant qu'on parte à l'AG, Sonia, tu nous disais qu'il y avait une deuxième chose qui te tenait très à cœur dans le fait de venir dire Shakespeare sur la place. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'était sur le mode de fonctionnement qu'on allait adopter. Il y a un gros problème dans le théâtre, c'est le problème de la parité. C'est un problème qu'on a au niveau des metteurs en scène, des directeurs de salle, etc. Et puis des rôles tout simplement. Quand on regarde dans le théâtre classique, et alors pour l'expérience, j'ai pris 10 plus grandes pièces de Shakespeare, enfin plus grandes, plus connues. J'ai pris les 10, 12 rôles principaux. La moyenne, ça donne pour 10 rôles d'hommes, il y a 2 rôles de femmes et un rôle d'être surnaturel, on va dire elfe, sorcière, esprit de l'air, etc., fantôme, etc. Pardon ? Non, je n'interromps pas, je trouve vraiment ça un peu limite qu'on se rend compte de ce genre de chiffres, quoi, à peine 2 fois plus de femmes que d'elfes, c'est quand même déprimant. Voilà, non mais les elfes parfois ils sont bien féminins, donc ça, peut-être ça pourrait faire quasiment rehausser une sorcière, est-ce qu'une sorcière est une femme, voilà, débat, sorcière debout. Et puis les rôles féminins sont parfois assez anecdotiques par rapport au rôle d'homme. Et donc quand on s'est dit qu'on allait faire ça, on s'est dit bon, on fait pas de distribution et tout le monde joue tous les rôles, on se relaye au fur et à mesure, et les femmes jouent des hommes et les hommes jouent des femmes et on s'en fout, et on espère que dans l'équipe qui sera là, il y aura la parité et qu'on pourra s'approprier tous les personnages. Et justement, vous, les spectateurs debout, ce genre d'enjeu propre même au contenu théâtral, hein, à la mise en scène, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Est-ce que ça va faire partie de vos revendications de spectateurs debout ou, Je pense que placer de manière absolument opposée sur la question notamment de la parité et donc de l'avancée de l'égalité entre les genres à travers les arts, placer de manière absolument opposée le spectateur et l'œuvre d'art, c'est pas ce qu'il faudrait faire, parce que je pense qu'en général les deux s'influencent l'un l'autre, c'est-à-dire que si on observe sur scène, donc dans les arts en général, que ce soit le théâtre, le cinéma, le film, choses comme ça, plus de parité, moins de sexisme, moins d'homophobie, on observera dans la société moins de ces fléaux. Et à l'inverse, si la société du jour au lendemain change et refuse toute allusion sexiste, refuse toute allusion raciste, alors les arts se verront obligés de s'adapter pour toujours séduire leur public et prouveront eux aussi moins de trucs comme ça. Mais les deux doivent choisir de commencer. Donc je pense que c'est excellent s'il y a des gens qui comprennent que le genre du personnage compte moins que ses répliques. Est-ce que tu veux répondre, Sonia ? Oui, le genre du personnage, évidemment. Et moi, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps, parce que, comme je dis, je fais beaucoup de poésie. L'immense majorité des poètes que je dis sont des poètes hommes. Je suis une femme. Je travaille pas mal à la radio, d'ailleurs. Je fais des voix. Et souvent, même des amis réalisatrices me disent « Mais moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, même pour un documentaire, pour faire la voix d'un auteur homme, de prendre une voix de femme. » Ça veut dire que dans le fait qu'un auteur est un homme, ce fait est quasiment plus important que tout le reste, que son talent, que d'où il vient, que ce sur quoi il écrit, que son époque. La chose la plus importante qu'on peut dire sur lui, c'est avant tout que c'est un mec. Et donc, n'importe quel acteur homme a plus en commun avec lui que n'importe quel comédienne ou voix de femme. Donc on arrive à des conceptions du monde qui sont assez hallucinantes, qu'on dit que voilà, t'es un homme, t'es une femme, c'est quasiment la chose la plus essentielle en toi. Donc voilà, moi je me bats contre ça, et je suis absolument d'accord avec toi, Lydia. Si je peux juste rebondir, si je peux rebondir simplement sur ce que tu dis, c'est on revient toujours au même cette même idée que l'homme c'est un homme ou c'est l'universel, la femme c'est une femme, point. Donc l'homme, en fait, l'homme a valeur d'universalité et pas la femme. Ça, enfin bon, mais Et peut-être pour revenir donc à vous, spectateurs debout, puisque si j'ai bien compris, votre combat essentiel, c'est finalement où est-ce qu'on aménage des temps dans nos vies pour avoir accès à la culture, et quel accès à la culture est-ce qu'on a ? Est-ce que vous avez des idées d'action, des idées de revendications ? Comment ça va se passer un peu votre commission toute neuve ? En fait, notre commission toute neuve, il y a deux plans, disons, il y a deux lieux de lutte différents. La première, c'est de dire, ok, mais avant même de se demander comment on est public, il faut pouvoir l'être. Donc ça nécessite. En fait, il y a un lien extrêmement proche entre les réflexions sur le temps de travail et les réflexions sur les politiques culturelles. Donc ça, ce serait les aménagements sont plutôt à envisager du côté du temps de travail. Donc en fait, le piège, ce serait de se dire que la culture n'a pas La culture est un luxe. Voilà, la culture c'est un luxe, et puis c'est surtout que la culture c'est ce qui concerne le temps de repos. Donc là on est dans une mobilisation qui porte sur la réforme du travail. Donc la culture n'est pas en première ligne de front, mais c'est précisément le contraire en fait. Si la culture vraiment cherche à soucier de son public, et il me semble que ça devrait être la prémisse fondamentale, la culture doit clairement, pour moi c'est une évidence, la culture doit s'engager en fait en faveur. Déjà, en l'occurrence, contre la réforme du travail qui est actuellement proposée, et peut-être même plus loin, elle devrait s'engager clairement en faveur d'une réduction du temps de travail, parce que sans temps libéré, il n'y a pas de public possible, en fait, à l'exception d'un public complètement élitiste. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, plutôt du côté de la réception, le public, quand il a le luxe de pouvoir être public, quand il a le temps, l'énergie et le, disons, le bagage, mais le bagage, on peut mettre absolument tout derrière le terme bagage, en fait notre lieu d'action consiste à se demander, ok, comment réactiver en fait une conception de la réception artistique comme une pratique active, c'est-à-dire ne pas être dans l'image qu'on véhicule beaucoup trop, ne pas être dans une réception, vraiment une consommation de l'art, mais bien penser l'art comme une secousse en fait, comme quelque chose qui nous ébranle, quelque chose face auquel on réagit, quelque chose qui nous fait réagir verbalement, physiquement, qui nous fait penser, qui nous fait changer, et qui est surtout un objet en fait d'échange, un objet de confrontation, un objet d'analyse, et vraiment, vraiment redonner place à la réception artistique comme une pratique active, vraiment. Et c'est un vaste programme. Écoutez, merci beaucoup Sonia, Agnès et Emilien. Tariq qui est parti. On se tiendra au courant de vos multiples représentations, et maintenant on repart à l'AG. Merci beaucoup. Merci Alice. Ils arrivent. En fait, c'est les flics. Ils provoquent de la panique quand on devrait calmer les gens. Et que ce soit les RG, les backeux, parce que c'est eux qui m'ont pété l'autre fois, c'était il y a une paire de semaines, j'ai fait 3 jours là-dedans à cause de leur mère. À cause d'eux, pardon. Et du coup, pour les ficher à ces gens-là, autant qu'ils nous fichent à nous, je pense, avec un petit peu de peinture, avec un marqueur, une bombe, n'importe quoi, on les tâche. On les tâche, on leur fait une grosse croix dans le dos. On les marque, on les fiche comme ils nous fichent. On les prend en photo et on montre comme ils sont moches. On les affiche sur les murs, tout ça. Donc voilà, c'est juste ça, ficher ceux qui nous fichent. Et voilà, pour les RG qui sont là, parce qu'il y en a sûrement, je vous fais des gros bisous et je vous encule. Donc on va demander Malika, s'il vous plaît. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Je voulais juste faire un rappel historique pour ceux qui auraient oublié ou qui ne le savent pas. C'est que le mois de mai et juin, durant le mois de mai et juin, il y aura des commémorations du Front populaire. Donc, il me semble même que demain, Hollande assiste à une de ses fêtes près de Bastille, d'où je crois comprendre que la manif commence à 15h. Donc, si quelqu'un a une information sur le lieu de cette commémoration, ça serait pas mal qu'on s'y invite, et qu'on s'y invite aussi le mois de mai et juin, et notamment qu'on commémore nous-mêmes à notre façon nos grands-parents, nos parents qui ont lutté pendant toutes ces années. Voilà. Donc maintenant, on va appeler Vincent L, s'il vous plaît. Bah alors, moi je voudrais parler d'un petit problème, parce qu'on parle souvent de la violence des grands, mais on pourrait aussi parler d'un petit problème. Aussi. Donc tout le monde s'en fout de ce problème. C'est grand comme ça, tout le monde s'en branle. Mais je pense que c'est très important. C'est la base de tout. Donc, vous savez ce qu'on dit à un enfant battu quand il veut appeler la police? On lui dit, il faut pas blaguer avec ça. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est pas une claque, c'est une blague. Une bonne blague. Arrêtez de martyriser notre avenir. On n'est pas là pour rigoler. Je rigole. Oui, des fois. Heureusement. Mais parfois, je rigole beaucoup moins. Je pleure, je crie, j'insulte. Hop là, on va demander Mamadou. Merci. Bonsoir à tous. Je prends... D'abord, je vous remercie. Radio Debout, la radio... dans le cœur bat et boue. Et il est 21h38 sur Radio Debout, que vous écoutez toujours en direct de la place de la République. Et merci beaucoup Alice pour cette captation incroyable de la musique de Star Wars. C'était où? C'était devant le théâtre de l'Odéon, c'est-à-dire qu'au moment où les CRS en fait changeaient de garde, ça faisait un peu façon relève de la garde londonienne, et la foule chantait Star Wars pour les accompagner. Merci beaucoup. Alors c'est une soirée très culturelle, un petit peu sur le plateau de Radio Debout. D'ailleurs tout à l'heure on parlait des spectateurs debout. Alors, on voulait vous dire que tout à l'heure, donc à 22h, on va essayer et on devrait arriver à vous retransmettre en direct la deuxième performance d'orchestre debout qui vont nous interpréter notamment du Beethoven, la symphonie aussi du Nouveau Monde de Dvorak qui avait été interprétée il y a deux semaines. Donc voilà, on va faire ça tout à l'heure. Mais pour le moment, autour du plateau, il y a José de Documentariste debout et je vous laisse donc en compagnie d'Alice et de Manon. Manon pour le plus grand plaisir de son fan. Alors Manon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir José. Bonsoir. Alors, moi j'ai une première question. Qu'est-ce qu'un documentariste? Un documentariste, c'est pour moi, c'est un cinéaste et auteur, c'est-à-dire qui a une vision sur le monde et donc qui fait des films sur la réalité de ce monde. Et avec Samir, avec qui je fais un binôme depuis très très longtemps, on a assez engagé, on a suivi toutes les luttes du Dal, par exemple, rue du Dragon, entre autres, la Palestine. Et on a un parcours, disons, de documentariste engagé. Et pour moi, toutes les voix contre le silence, elles sont bienvenues actuellement, parce qu'il y a vraiment un grand silence au niveau médiatique. La télévision ne remplit plus son rôle, ça devient de plus en plus catastrophique au niveau information. Il y a un grand silence par rapport à des gens qui sont expulsés, par exemple. Là, on assiste depuis la fin de la trêve hivernale de nombreuses expulsions tous les jours. Là, on en a vécu dernièrement quelques-unes, et ça devient assez dramatique, mais personne n'en parle. Et vous en parlez, donc en tant que documentariste, vous documentez tout ça, justement, ces voix-là, oui, ces actions-là. On se documente, on est engagé auprès du DAL depuis Samir et moi, ça fait depuis une bonne quinzaine d'années qu'on suit le DAL, qu'on les soutient. On a fait pas mal de ce qu'on appelle des cinématracts pour tenir informés les gens, de ce qui se passe. Ils ne sont pas du tout informés sur les expulsions. Là, il y a des centaines et des milliers d'expulsions qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Il y en a déjà eu quelques centaines. Et c'est témoigné vis-à-vis de ces expulsions. Puis le problème, c'est qu'ils ne sont pas relogés. Là, on a fait un film qui va passer le mardi, qui est déjà sur le site du DAL. Il y a déjà eu deux films qui ont été faits de cinétract. On appelle ça cinétract, c'est des films courts qui font à peu près entre 2 minutes et 5 minutes sur des familles qui ne vivent pas très dignement au niveau logement. La réalité en France des logements indignes est assez incroyable. Elle existe pour de vrai. Mais justement, vous disiez que la télévision remplissait plus son rôle. Et ça serait quoi alors les autres canaux pour mieux informer ou informer de ce genre de réalité qu'on ne voit plus aujourd'hui? Là, on est en train de mettre en place, que ce soit par Internet, et là, on a tout un réseau de salles de cinéma qui seront d'accord. Ils sont d'accord pour passer ces cinétracts dès qu'on en a à peu près une dizaine. On fera des soirées aussi seulement avec ces cinétracts d'une heure ou deux heures dans certains cinémas qui nous appuient. Et sinon, il y a tout un réseau de cinémas qui sont d'accord pour qu'on puisse passer ces films avant les grands films. Et bon, plus par Internet. Mardi soir, là, on va commencer une série de projections de documentaires. Il y aura le film Diego de Frédéric Goldbraun. Est-ce que vous allez en projeter à Nuit Debout? Est-ce que, oui, comment mardi est-ce que, soir, du coup, c'est quoi un documentariste debout, en fait? Pour moi, un documentariste, c'est toujours debout. C'est une question politique. Moi, j'ai toujours vécu considérant que j'étais du côté des opprimés, donc debout. Moi, je considère que là, maintenant, la télévision est plutôt à genoux. Les journalistes sont plus des journalistes, ils font plus d'investigations, ils répondent ces chiens de garde, ça c'est bien connu, et ils sont plutôt à genoux que debout. Et nous, on veut montrer cette différence. Il y a encore des gens en France, des documentaristes, des cinéastes, des réalisateurs qui veulent vivre debout. Et est-ce que ce qui se passe sur la place de la République et sur les places un peu partout en France, ça peut être, selon vous, justement, un sujet de documentaire, quelque chose sur lequel vous aimeriez poser votre regard? Oui, mais c'est un peu difficile, je pense. Bon, parce qu'il y a une parano que je comprends tout à fait par rapport aux médias et aux caméras, que moi j'ai été assez très très très souvent confronté. Moi je le respecte, parce que quand on voit ce que fait la télévision avec les images de ces manifestations, et surtout, moi je dénonce beaucoup BFN qui est une crapulerie immonde, eux ils sont même pas à genoux, ils sont à plat ventre. Au niveau de tous les mouvements sociaux, surtout dernièrement, je trouve, ils n'ont plus un poste de journaliste, c'est un poste de propagande politique au service des multinationales, c'est bien de plus en plus grave. Alors, juste, on va faire un rapide retour à l'AG parce qu'après, elle va se terminer pour le concert et on voit ce qui se passe et on revient en plateau. Ok. Nous, en nous attaquant aux institutions, aux panneaux publicitaires, aux banques, à tout ce qui nous opprime, nous sommes pacifistes. Nous sommes pacifistes parce que nous refusons ces impérialistes, ces meurtriers, tous ces membres de créateurs de violences indirectes dont on parle peu, car on parle peu des suicides liés au chômage, liés à la misère, liés à la violence sociale. Nous n'en parlons pas. Donc cessons cette dichotomie idiote entre bons et mauvais manifestants. J'étais ravi de voir le 28 que notre cortège le plus offensif, le plus défensif aussi, a été rejoint par de multiples personnes, des personnes très variées. Il suffit d'étudier la sociologie des gens que nos chers médias appellent des casseurs pour constater que toute la société française est représentée. Tout à l'heure, nous étions au tribunal. Au tribunal pour défendre un ami qui s'est fait arrêter le 28, le soir, à la nuit debout, lorsque nous nous sommes fait, encore une fois, matraquer gratuitement. Et là, qui nous avons croisé ? BFM TV. Et vous savez ce que m'a dit le journaliste de BFM TV ? Il m'a dit que l'euthanasie était un état de droit. Comment peut-on accepter que des gens qui se trompent sur des définitions aussi essentielles prétendent donner l'information aux gens et l'information vraie par-dessus le marché ? Nous sommes là pour, pour contester et nous rebeller. Nous ne sommes pas dans la revendication, nous sommes dans la contestation. Le système se défendra contre nous. Alors nous devons rétorquer, nous devons assumer ce que nous voulons faire et la société idéale que nous voulons appliquer en France et aussi dans le monde. Je vais juste finir sur le fait qu'il faut se battre sincèrement et arrêter de nous cacher. Nous ne sommes pas là pour nous cacher, nous sommes là pour affronter. Il faut se défendre et défendre nos idéaux, sincèrement. Alors refusons aussi toutes ces idées nauséabondes, toutes ces conneries diffusées qui visent à diviser le mouvement. Et c'est le cas des syndicats, je finis juste là-dessus. Vous avez remarqué que récemment, les syndicats ne parlent plus du retrait de la loi travail. Je parle de Jean-Claude Maillet et de Martinez, mais de la modification. Ce qui montre qu'une fois qu'on est incorporé dans ce système, nous ne pouvons plus en sortir. Ce système pourri crée la pourriture à tous les étages. Restons en retrait, restons en dehors. Restons en dehors et contestons et créons ensemble une société meilleure. Je vous remercie. Droit de réponse ? Bonsoir, messieurs, dames. Je n'ai absolument pas la... Je voudrais réagir à l'intervention. Ce n'est pas en... Il y a des gens... Il y a effectivement des policiers qui ont fait des horreurs, qui ont créé... Mais si on était... Je vous précise juste que si on était dans un état policier, entre guillemets, on ne pourrait pas être là ce soir. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas par la violence qu'on gagne le pacifisme. Eh, attendez, moi je n'ai pas sifflé et vous me laissez continuer. Merci. On est là pour se battre contre cette loi. On est là pour changer de société. Je t'ai pas interrompu. Tu n'as pas de violence. Oui, il y a de la violence économique. Oui, je sais. Hey, je commence mon truc. Alors, tu m'interromps pas. Merci. Bon, il y a de la violence économique inacceptable depuis des années. Il y a des choses. Il y a des suicides. À France Télécom, il y a des suicides il y a plusieurs années. Il y a des violences absolument partout. Effectivement. Mais est-ce que la violence, ajoutée à de la violence, règle la violence de l'autre côté ? Non. La violence, elle est de tous côtés. Elle est de toute façon, elle est là. Elle est des deux côtés, on est tout à fait d'accord. Elle est des deux côtés. Mais ce n'est pas... Mais il y a des flics qui ont aussi des enfants qui souffrent. Pas tous. Je dis pas que tous les flics sont des saints. Je dis pas que tous les flics sont des saints. Mais attendez. Flics. Non, là, arrêtez, on arrête les discours binaires. Il y a des flics méchants qui cassent. Ok. Mais il y a des flics aussi qui disent... Moi, j'en ai discuté. Ils m'ont dit que s'il n'y avait pas ces violences, ils seraient avec le mouvement. J'ai vu ! Je les ai vus ! Oh, tu as discuté, toi, avec vous, personne ? Bon, allez. Réveillez-vous, c'est Radio Debout. Alors, Radio Debout, toujours sur notre tente. Bientôt, le concert va commencer. On est en train de caler nos petits problèmes techniques pour pouvoir le retransmettre. Mais on y... En direct. En direct. En direct, voilà. Et pas en rediffusion. Et on est toujours en plateau avec Alice et José de Documentariste Debout. Et alors moi j'avais une question pour José. Est-ce que donc vous avez lancé une commission des documentaristes debout et est-ce que vous avez voté des actions concrètes ou des motions? Est-ce que vous avez parlé en AG? Non, on n'a encore pas parlé en AG, ce que je sais, parce que moi j'étais pas en France, là, je suis rentré il y a 2 jours. Mais ce qu'on met en place, là, il y a une réunion mardi soir, juste avant la projection du documentaire de Frédéric Goldbrun, Diego. Et là, on va passer déjà les 2 premiers ciné-tracts qu'on a tournés avec le DAL sur les expulsions. C'est quoi un ciné-tract, pardon? Un court-métrage, je dirais, documentaire entre 2 minutes et 5 minutes. Voilà. Là, on a fait 2 familles, dont une vient d'être expulsée pour la rater parce qu'ils ne nous ont pas prévenus hier matin. Donc, on va présenter ces ciné-tracts mardi soir et un autre sur un homme qui vit seul dans une pièce de 10 mètres carrés qui va être expulsé aussi dans les prochains jours. Et donc là, ce qu'on veut lancer, c'est que d'autres documentaristes se chargent aussi de faire, parce qu'il y a tellement d'expulsions, de faire d'autres ciné-tracts sur les expulsions. Et après, ça peut être décliné sur tous les problèmes de société, que ce soit la santé, répression, tout ce qu'on veut. Et après, que les gens se prennent en charge, c'est lancer un mouvement des documentaristes debout, parce qu'il y a quand même pas mal de documentaristes en France, et faire bouger un peu tous les documentaristes. Alors, ça serait quoi votre conseil à un jeune documentariste qui vient de se lancer dans ce métier? Et qui vient de nous voir, qui a une caméra, on lui donne des contacts avec le DAL. Il y a tellement de familles qui vont être expulsées, qui peut suivre une famille comme ça te convient n'importe quand, et qui nous fasse un film, un ciné-tract de 2 à 5 minutes qui sera diffusé, qui sont déjà diffusés sur le DAL, sur le site du DAL, il y en a déjà 2. Et là, on en diffuse un par semaine. Et d'ici un mois, on voudrait à peu près une bonne dizaine pour pouvoir l'élargir à d'autres moyens de diffusion, que ce soit cinéma ou dans les villages partout. On peut les diffuser dans de nombreux lieux publics et non publics. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, José. Nous, on va s'arrêter là pour ce plateau. On va retourner à l'AG pour écouter la fin de l'AG. Et puis bientôt, accordez vos violons parce que ça va être beau. Voilà. Bonsoir, je pense qu'on est tous ici réunis pour montrer notre opposition à un système inégalitaire, injuste, qui profite à une minorité capable de le manipuler à son avantage en s'octroyant des privilèges sous le dos d'une majorité qui se voit privée de l'exercice de ses droits et de ses libertés les plus fondamentales. Ce système, on le connaît tous, c'est celui qui nous a amenés aux crises successives, à la crise financière, à la crise sociale. C'est ce capitalisme de connivence qui a notamment permis aux corporations bancaires de privatiser leurs profits tout en socialisant les pertes liées à leurs opérations commerciales. Mais ensuite, il faut se poser la question pour savoir pourquoi, comment cela a-t-il pu se produire. Et je pense que c'est parce que nous avons consenti, ou alors à concentrer beaucoup trop de pouvoir entre les mains de la classe politique, que ce soit ici, à Paris, à Bruxelles, à Francfort, au siège de la Banque Centrale Européenne, qui est sans doute le temple européen du capitalisme de connivence. Si je prends l'exemple emblématique de l'industrie financière, bancaire, monétaire, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il s'agit sans doute des activités commerciales les plus centralisées qui existent aujourd'hui. Et c'est cette centralisation qui est source d'instabilité et d'injuste répartition des richesses. Du coup, je pense que l'une des solutions à ce problème-là, c'est de revenir à un système financier beaucoup plus décentralisé, la nécessité de décentraliser les moyens de production et les moyens d'échange sur le plan financier, bancaire et monétaire, sans quoi nous serons condamnés à subsister dans ce système totalement injuste. En pratique, comment ça se passe? Est-ce que c'est utopique ou pas? Je pense qu'il y a quelques années, ça l'était, mais aujourd'hui, on a les moyens de se réapproprier de nouvelles technologies pour plus de décentralisation. Prenons l'exemple, par exemple, de la technologie Bitcoin. Une monnaie sans banque, sans institution centrale. Une monnaie qui permet de faire des échanges de pair à pair. Alors, certains disent qu'elle a une réputation sulfureuse, qu'elle sert à l'argent de la drogue, des criminels. Je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par la rhétorique sécuritaire. Aujourd'hui, on nous dit que parce que des terroristes utilisent Internet, il faut contrôler notre navigation. Sous prétexte que les terroristes utilisent des téléphones, il faudrait contrôler nos communications. Je pense qu'un moyen d'échange n'est pas bon ou mauvais en soi, il est ce que nous en faisons. Et si nous utilisons ces moyens d'échange pour émanciper nos relations, nos interactions, des intérêts monopolistiques de quelques élites bien connectées, nous avons les moyens de nous réapproprier nos échanges pour construire une société beaucoup plus horizontale, égalitaire, juste et libre. Vive la liberté. Merci. Allô. Eh bien oui, du coup, nous allons aussi profiter de cette idée de se connecter, puisque nous allons procéder à quelques petites manipulations techniques pour reprendre l'antenne avec un téléphone. Pendant ce temps-là, nous allons débrancher notre ordinateur, aller du côté du concert, nous rebrancher avec l'ordinateur et vous proposer ce soir le concert en direct qui a lieu sur la place de la République. Un concert avec plus de 450 musiciens, c'est énorme. Et grâce à Alexandre, vous allez avoir le plaisir de pouvoir vous plonger dans le son avec un système de prise de son. Enfin, je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Et vous êtes toujours en direct de Radio Debout. Merci beaucoup Juju, merci beaucoup Alexandre. On va continuer donc parce qu'on doit se déplacer. On doit se déplacer, déplacer notre petit matériel, le petit matériel de la Radio Debout pour pouvoir vous faire écouter ce concert. Donc l'AG est encore en train de se dérouler derrière nous. On se déplace sur la place de la République avec Alice. Hein. C'est ça, voilà, on fait une migration debout, hein, la radio migrante, la radio nomade, la parole en marche. Il y a beaucoup de monde ce soir sur la place. Malgré le froid, beaucoup de monde. Oui, oui, hein, on sent vraiment que les gens sont venus pour écouter l'orchestre, que la dernière représentation avait beaucoup ému et que les gens sont revenus. Donc on est là. On regarde. Plus de 450 musiciens nous disant. Alors, on ne les a pas vus parce qu'on était sous la bâche de Radio Debout. On va s'approcher tranquillement pour essayer de vous décrire. Il y a du monde toujours à la cantine, cantine à prix libre qui est sur notre droite. Voilà, et là, il y a quelqu'un avec aussi un peintre debout sûrement. Et oui, un peintre debout voilà. Qui est en train, on dirait qu'il fait une... Non. Ah non, c'est un musée debout, c'est musée les debout. Musées debout. Pardon. Est-ce bonjour. Que vous êtes musée debout? Vous êtes musée debout? Alors non, on n'est pas musée debout, non. On a été mettre le bazar, alors en fait il y avait un monsieur qui avait une grande toile, ça ressemblait à un Gauguin. Ça ressemblait à un Gauguin, et voilà, il faisait une analyse de Gauguin, tout ça. Sur la place de la République. Alors, Clément, on s'approche, hein. Il me semble qu'on s'approche de la statue. On s'approche de la statue, écologie debout sur notre droite. Qui passe du reggae. De la musique. Salut, t'es en direct sur Radio Debout. Hein? C'est direct sur la radio. Moi, c'est reggae, moi. Attends, ah ouais. C'est reggae debout. Reggae debout. Ah ouais, debout. Voilà, debout. Voilà. A tout de suite. Ok, ok. On se déplace tranquillement vers la statue de la place de la République, où les musiciens ont l'air... Beaucoup de monde. Ah, voilà, il y a le chef d'orchestre qui tient une... Est-ce qu'on les entend qui s'accordent? On va s'approcher encore un petit peu. Bel attroupement des gens qui sont sur le socle de la statue. La statue donc qui est toujours, hein, toujours décorée, occupée. Il y a même depuis avant-hier un espèce de grand filet. Il y a toujours autant de monde sur la place, on discute. Voilà, on va s'approcher tranquillement. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir, vous venez pour le concert, j'imagine? Ouais. On va repartir. Vous allez repartir? Ouais. Il y a beaucoup de monde, hein. Alors, difficile de s'approcher. Il y a beaucoup de gens qui sont assis. Hop, attendez. On va s'approcher. On va s'approcher. Alors, il y a une énorme foule assise. Assise devant nous. Il y a au moins, je sais pas, 1000 personnes. Voilà. Il y a surtout le chef d'orchestre qui répète. Alors le chef d'orchestre, il a à la main, comme il ne peut pas avoir de bâton puisqu'on ne le voit pas, puisque nous sommes dans la nuit, il a un espèce de sabre laser lumineux. Et il bat la mesure avec son sabre laser lumineux. Et on va vous rendre l'antenne parce qu'on devrait pouvoir commencer à vous faire écouter le concert. Bon, alors c'était une fausse alerte parce que l'orchestre est en train de répéter, on peut pas s'approcher tout de suite. Les petits sacripants, ils nous ont fait croire qu'ils commençaient à jouer, mais en fait c'était seulement de l'accordage. Voilà. Et le dispositif, les micros, on a réussi à les placer grâce à Alex et Juju vraiment au centre, au cœur de là où il y a tous les musiciens, mais on peut pas s'approcher jusque là-bas. Donc c'était un petit peu difficile pour commencer à l'heure, mais on va vous faire profiter un petit peu de l'ambiance de la place de la République ce soir en attendant le concert qui devrait débuter dans quelques minutes, moins d'une dizaine de minutes. Oui, donc voilà, hein, bah écoutez, comme on vous le disait, beaucoup de monde, toujours aussi froid, je pense que décidément... Il y a du son qui commence, non, là, ils sont toujours en train de s'accorder. Est-ce que ça commence? Est-ce que c'est ça ne commence pas? Ce disait, c'est une répétition. Petite répétition. Donc voilà, les gens sont aux aguets, les gens sont attentifs, ils ont hâte d'entendre tout ça. L'ambiance est bonne, hein. Ça change de ces jours de pluie et de froid où les petites tensions étaient revenues. Monsieur. Non, vraiment, on sent que tout le monde est enthousiaste. Tout le monde est content d'être là ce soir. Dans l'attente du concert. Donc je sais pas, en fait on était tellement dans... c'était un petit peu stressant de préparer tout ça à la va-vite, étant donné surtout que demain en fait on fait toute une journée d'antenne, donc on n'a pas exactement le programme de tous les morceaux qui vont être joués, et peut-être qu'on peut demander à du public, des spectateurs debout ici qui pourraient nous expliquer un petit peu, en tout cas nous détailler un petit peu les pièces qui vont être jouées ce soir. Bonsoir, c'est la radio debout, on fait un tour du public. Pourquoi est-ce que vous êtes venu pour écouter le concert? C'est la répétition, mais bonsoir madame. Vous êtes sur ces radios debout, la radio de la place. Est-ce que vous savez ce qui va être joué ce soir? La 9e, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai entendu la répétition, c'était ça, la fin de la 9e. Donc voilà, c'est bon. Pourquoi vous êtes venu ce soir? Bah, moi je suis déjà venue donc pour écouter un peu, et puis bon, je trouve ça tellement beau quoi de faire ça. Je trouve ça formidable. Continuez. Merci beaucoup. Alors il faut qu'on se pousse parce que le public s'étale sur la route. D'accord, oui. Alors on va peut-être quand même essayer de... On ne sait pas si c'est... Le service, on va se déplacer. Voilà, alors c'est pas forcément le concert tout de suite. Il y a les musiciens répètent des quelques mouvements, mais c'est pas le concert tout de suite. Donc voilà, on va vous faire un peu patienter. Hein. C'est pas une tâche très très facile. Un petit vélo sur la droite. Voilà. Peut-être. Est-ce que tu peux peut-être appeler les radios deboutistes qui sont là-bas, ici, à ce numéro-là, voilà. Normalement, ils pourraient nous dire à partir de quand on va pouvoir décrocher. Salut. C'est la radio debout, ça va bien? Salut la radio debout. Tu viens écouter le concert toi aussi? Oui. Est-ce que tu sais ce qui va être joué? Il y a la 9e symphonie de Beethoven, mais on ne sait pas trop de Beethoven, d'accord. Et après il y a d'autres choses. Ça c'est cool, c'est Orange Mécanique. Je connais pas trop la musique classique, mais la 9e symphonie, oui. Donc comment tu pourrais me décrire l'ambiance sur la place de la République ce soir? Non? Bon. Il y a moins de monde. Non, il y a moins de monde, tu trouves? Je pense qu'il y a moins de monde à cause des vacances. Ouais. Et à cause aussi de ce temps pourri, à l'instar du gouvernement. Mais bon, on a un souffle demain, donc je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Demain, grosse journée, manifestation à 14h, rendez-vous Bastille et départ à 15h. Tout à fait. Super. Avec une sorte de meeting, ça va être AG Meeting, avec un grand débat sur le travail et la démocratie. Donc on invite tout le monde à venir, ça va être très très intéressant. Bon, super, à tout à l'heure. Concert. Bon courage. Merci. Donc toujours aucune nouvelle de quand est-ce que le concert va commencer. On va continuer à poser quelques petites questions, aller à la rencontre des spectateurs, des auditeurs, des nuits deboutistes qui sont nombreux sur la place ce soir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, c'est la radio debout. C'est la radio debout. Vous êtes venu pour écouter le concert? Je suis venu pour écouter le concert. Vous êtes déjà venu voir l'autre concert d'Orchestre debout qu'il y a eu il y a 2 semaines? Non. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir particulièrement ce soir? Parce que j'ai fait le temps. Je suis désolé, je suis vraiment pas malin dans la culture, les gars. Bon, mais non, c'était merci, très bien, merci. C'était très bien. Bonsoir, c'est la radio debout. On peut vous poser quelques petites questions. On vient juste d'arriver. Bonjour. Vous êtes déjà venu pour écouter le concert la dernière fois? Non? Et alors, vous avez hâte? Oui. Vous êtes venu que pour ça, pour l'émotion de la musique. Et vous attendez à quoi? Je sais pas trop. Franchement, je suis pas très... Je sais pas. Vous savez pas? Non? Bon, mais bon concert, on va continuer notre déambulation. Allez, les gens ne veulent pas parler ce soir, ils veulent écouter mais pas ouais, parler. Il hein, y a une certaine concentration, voilà, il faut se mettre un petit peu dans l'ambiance, quoi, dans une certaine écoute. Et c'est le recueil qui précède toutes ces démarches. Alors regarde, par contre, certains ont eu la bonne idée de se mettre un petit peu sur le socle de la statue, d'avoir une super belle vue de là-haut. La statue de la République avec encore de grandes banderoles. Hein. On occupe mieux que ça. Ramène ta planche qui a été posée jeudi, avant-hier. Les frontières tuent, solidarité avec les migrants. Toujours un petit « Je suis Charlie » qui traîne. Hein, et le petit fichu sur une tête de l'une des statues sur le côté, avec le drapeau de la paix. Avec le drapeau de la paix, oui, oui. La paix veille sur l'orchestre qui se monte, la foule qui est autour de l'orchestre qui se monte, les gens qui, religieusement, sont tout calmes. C'est vrai que c'est rare de voir la place aussi pleine de monde et aussi calme. Parce que d'habitude, pour vous décrire un petit peu, d'habitude, de ce côté-là de la place, au pied de la statue, il y a pas mal de djembé. Il y a des djembé de l'autre côté de la statue, il y a des sound systems, ouais, avec des gens qui dansent sur de l'électro-minimal toute la nuit. Oui, ou un peu plus de la trance ou de la artex. Des fois, c'est un petit peu plus intense que de l'électro-minimal, mais voilà, c'est une pluralité de monde qui se croise sur cette place de la République. Okay. Et donc ce soir, place. À l'orchestre debout, on a hâte, nous aussi, là, de l'écouter. On tourne autour, parce que je pense que vous l'entendrez beaucoup mieux que nous avec la captation sonore qui a été préparée avec des bouts de ficelle par la radio debout, mais on essaie de faire toujours de notre mieux, hein, pour les auditeurs de la radio debout. On reçoit les messages des copains qui nous écoutent, et puis on espère que malgré nos coupures, vous restez quand même toujours à l'écoute. Ça devrait vraiment pas tarder à commencer, hein, vraiment, on fait pas ça pour vous embêter. On va peut-être poser d'autres petites questions. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. C'est la radio debout. Est-ce que vous êtes venu pour le concert, j'imagine? Oui. Et vous étiez déjà là au concert précédent? Non, je l'avais raté. Et alors là, vous êtes comment? Vous vous sentez comment à l'orée de ce concert sur la place de la République? J'attends. Je suis impatiente. Vous êtes impatiente? Bon. Mais nous aussi, on est impatients. Aussi, on est très impatients. Vous étiez déjà venu à Nuit Debout? Ouais. Ouais. J'habite pas loin, je passe hyper souvent. Bon, on va vous laisser tranquille pour ce concert, merci à vous. Bon, bière fraîche. Les bières fraîches, il fait trop froid pour une bière fraîche. Vous devriez vous recycler dans le chocolat chaud. Ah bon? Ah ouais, je suis sûre que ça aurait un succès fou. Peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est la radio, debout. On enregistre, on va diffuser. Bière fraîche. On va diffuser le concert tout à l'heure. Bon voilà, on continue de se déplacer. Est-ce qu'on a des nouvelles de Juju? Non, aucune nouvelle de Juju. Bon voilà, radio mobile, radio en marche, radio debout. Comme toujours dans la place, on fait un petit peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alice. Oui, Clément, je suis là, nous sommes là. Alors vous voyez, là c'est le moment où on commence à patiner un peu, parce qu'on a fait le tour de la place environ 4 fois. On a tourné autour de la statue, on a demandé aux gens s'ils étaient contents d'être là, les gens nous répondent tous la même chose. Bon, donc il faut parler et on parle. T'as pas un petit poème sous le coude ou quelque chose que t'aurais écrit dans l'après-midi? Attends, ça se trouve j'ai un livre dans mon sac. T'as peut-être un livre, si t'as un livre ce serait parfait. Ce serait parfait, je vous ferai de la lecture. Ah mais je sais quel livre tu as dans ton sac et c'est peut-être pas... Non, je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas celui-là? Bon. Non. Ah non, j'ai pas de livre. Bon sinon on peut vous parler peut-être aussi... Je peux te réciter du Césaire si tu veux. Allez. Je peux te réciter du Césaire, alors c'est extrait du cahier d'un retour au pays natal. Et c'est un passage qui dit « Elle est debout la négraille, debout dans la cale, debout sur le pont. » Debout sous les étoiles, debout et libre. Voilà, c'était Césaire. Très bel extrait. Très bel extrait. Ouais, donc, de quel ouvrage tu disais? Du cahier d'un retour au pays natal. Ça devrait pas tarder, on entend des gens qui demandent de se taire, de chuchoter. Alors on va peut-être prendre un petit peu des nouvelles et on risque de vous laisser véritablement pour cette fois avec Orchestre Debout. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation peut-être? Non, alors voilà, il faut cliquer ici parce qu'on a le téléphone de Juju, donc il faut appeler ça. Voilà, alors, cette personne-là. Juju, Alex, voilà. Alex qui est donc qui doit être au cœur. Voilà, on est voilà, au cœur. Commencer donc par l'hymne à la joie de Beethoven. Les gens si autour on peut, voilà, si on peut, on va juste quitter l'antenne ici. Hein. Ça va couper, mais ça va couper, chérie, mais ne partez pas, ça va reprendre tout de suite. Merci Alex, Juju, merci à tout le monde de Radio Debout pour cette prestation. On espère que, en tout cas, que ça va marcher techniquement. Et voilà, on vous laisse avec l'écoute. Avec l'écoute de Orchestre Debout en direct de la place de la République. Bonne écoute, à tout à l'heure.